Rôle prophétique. Dans la deuxième année de son ministère prophétique, Jésus descendit de Jérusalem pour se rendre à Nain. Quand il approcha à la porte de la ville, les habitants portaient au sépulcre le seul fils d'une veuve, pour qui tous pleuraient. Lorsque Jésus arriva, les hommes comprirent que Jésus, le prophète de Galilée, était arrivé et l'implorèrent pour le garçon mort, car en tant que prophète, lui, ainsi que ses disciples, pouvaient le relever. Jésus fut grandement dans la crainte et en se tournant vers Dieu, il dit « Seigneur, retiens-moi de ce monde insensé qui m'appelle presque un Dieu. » Puis il pleura. L'ange Gabriel vint lui dire « N'aie crainte Jésus. Dieu t'a donné pouvoir sur toute infirmité, au point que tout ce que tu accorderas dans le nom de Dieu, s'accomplira entièrement. Que ta volonté se fasse Seigneur, Dieu tout-puissant et gracieux, dit Jésus soulagé. Il s'approcha alors de la mère du mort et lui dit avec compassion, « Ne pleure pas femme. Je te dis dans le nom de Dieu, dit-il en prenant la main du mort, jeune homme lève-toi guéri, et le garçon se releva. Tous furent remplis de crainte et dirent, Dieu a visité son peuple. Il a fait venir un grand prophète parmi nous. L'armée des Romains était en Juda dans ce temps-là. Notre pays leur fut soumis à cause des péchés de nos pères. Les Romains avaient pour habitude de vénérer et appeler Dieu quiconque faisait une nouvelle chose au profit des gens du commun. Les soldats qui se trouvaient à Nain firent des reproches aux uns et aux autres en disant « L'un de vos dieux vous a visité et vous n'en tenez pas compte. Pour nous sûrement, si nos dieux nous avaient visités, nous leur aurions donné tout ce que nous avons. Voyez combien nous craignons nos dieux, nous donnons à leurs images le meilleur de tout ce que nous avons. » Cette manière de parler, instigé par Satan, souleva une grande sédition parmi les gens de Nain. La discorde était telle que plusieurs de Nain disaient « Il est notre Dieu qui nous a visités. Dieu est invisible, disaient d'autres, et personne ne l'a vu pas même son servant Moshe, ce n'est donc pas Dieu mais son fils. Il n'est pas Dieu, disaient d'autres encore, ni fils de Dieu, car Dieu n'a pas de corps pour engendrer, mais c'est un grand prophète de Dieu. » C'est ce que Satan avait instigé, et une grande ruine allait survenir sur notre peuple dans la troisième année du ministère prophétique de Jésus. Jésus ne s'attarda pas à Nain, il s'en détourna pour aller à Capharnaüm. Quand il y arriva, les habitants rassemblèrent tous les gens malades qu'ils avaient, et les placèrent face au porche où Jésus et ses disciples logeaient. L'ayant interpellé, ils le supplièrent pour leur santé, et Jésus posa les mains sur chacun d'eux en disant « Dieu d'Israël, par ton saint nom, donne la santé à ce malade, chacun d'eux fut guéri. » À Shabbat, Jésus alla à la synagogue et tout le peuple vint ensemble pour l'écouter parler. Ce jour-là le scribe lisait ses psaumes de David. Quand je trouverai du temps, je jugerai avec droiture. Après la lecture des prophètes, Jésus se leva et fit silence de ses mains, il ouvrit la bouche et dit « Frères, vous avez entendu ces paroles des psaumes disant qu'il jugera avec droiture lorsqu'il trouvera du temps. Je vous dis en vérité, beaucoup de ceux qui jugent tombent sous le jugement, parce qu'ils jugent selon ce qui ne leur plaît pas, et juge à l'avance de ce qui leur plaît. Le Dieu de nos pères nous crie par son prophète David. Jugez équitablement, fils d'homme. Quels misérables, ceux qui se placent au coin des rues et ne font rien d'autre que juger ceux qui passent en disant « Celui-là est beau. Celui-ci l'est. Celui-là bien. Celui-ci mal. » Malheur à ceux qui retirent de leur pensée le sceptre du jugement de Dieu qui dit « Je suis jugé témoin. Je ne donnerai mon honneur à personne. » En vérité, ils témoignent de ce qu'ils n'ont pas vraiment vu, ni entendu. Et jugent sans avoir été constitués juges. Ils sont en abomination, sur terre aux yeux de Dieu, qui rendra un terrible jugement, sur eux au dernier jour. Malheur, malheur à vous qui dites du bien du mal, et appelez le mal bien. Qui justifiez de bien Satan, l'auteur de tout mal, et condamnez de mal, Dieu, l'auteur du bien. Pensez aux effroyables châtiments que vous aurez lorsque vous tomberez sous la condamnation de Dieu, qui tombera aussi sur ceux qui innocentent les méchants pour de l'argent et ne défendent pas la cause de la veuve et des orphelins. Je vous dis en vérité, les démons trembleront d'une telle condamnation tant elle sera effroyable. À l'homme qui est placé comme juge, ne prend en considération aucune autre chose, ni la parenté, ni ami, ni l'honneur, ni gain, mais seulement la vérité dans la crainte de Dieu. Recherche-la avec la plus grande diligence, car elle sera ta garantie au jugement de Dieu. Je vous avertis que celui qui juge sans compassion sera jugé sans compassion. Dis-moi toi qui juges un autre, ne sais-tu pas que les hommes ont tous leur origine d'une même boue, et que personne n'est bon que Dieu seul? L'homme étant pécheur et menteur, crois-moi que lorsque tu juges la faute d'un autre, ton propre cœur a aussi de quoi être jugé. Comme il est dangereux de juger, et combien ont péri par le faux jugement. C'est parce que Satan jugea que l'homme était moins que lui qu'il se rebella contre son Créateur Dieu, et depuis il est non repentant, comme j'ai appris en lui parlant. C'est parce que nos premiers parents jugèrent que le discours de Satan était bon qu'ils furent chassés hors du paradis et condamnèrent ainsi toute leur progéniture. Comme Dieu vit, en présence duquel je me tiens, je vous dis en vérité que le faux jugement est le père de tous les péchés. Malheur au pécheur, qui par son jugement, juge digne le péché et indigne la bonté, et rejette la bonté pour choisir le péché pour cela. Il est sûr de souffrir un châtiment intolérable quand Dieu viendra juger le monde. Combien ont péri sous de faux jugements? Et combien ont failli périr? Pharaon jugea que Moshé et le peuple d'Israël étaient des impies. Saul jugea que David était digne de mourir. Achab jugea Élia. Nabuchadnezzar jugea les trois enfants qui ne voulaient pas vénérer ses fausses divinités. Les deux anciens jugèrent Susanna. Tous les princes idolâtres jugèrent les prophètes. Quel effrayant jugement de Dieu où le juge a péri et le jugé fut sauvé. Et pourquoi cela homme? Sinon qu'ils jugèrent à tort l'innocent par leur arrogance. Et comment les hommes de bien vinrent presque à leur ruine en jugeant à tort et montré. Par les frères de Joseph, qui le vendirent aux Égyptiens. Par Aaron et Myriam, qui jugèrent à tort leur frère Moshé. Par les trois amis de Job, qui jugèrent à tort l'innocent ami de Dieu. Par David qui jugea à tort Mephibosheth et Uria. Par Cyrus qui jugea à tort Daniel livré en pâture au lion. Et beaucoup d'autres qui furent près de leur ruine à cause de cela. Je vous dis que si vous ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ayant fini son enseignement, beaucoup se convertirent de repentance, en regrettant leurs péchés, et ils voulurent tout abandonner pour partir avec Jésus, mais il leur dit « Je ne suis pas venu pour recevoir service mais pour servir. Restez dans vos maisons, Mais cessez de fauter en servant Dieu dans la crainte et vous serez sauvés. » Ayant dit cela, il quitta la synagogue et la ville pour se retirer dans le désert, car il aimait grandement prier dans la solitude. Après avoir prié le Seigneur, ses disciples vinrent vers Jésus et dirent : « Maître, nous voudrions connaître deux choses. La première est comment Dieu viendra juger au jour du jugement, et l'autre, comment as-tu parlé avec Satan, qui est non repentant comme tu l'as dit ? Je vous dis en vérité, connaissant sa chute j'ai eu compassion de Satan, et j'ai eu compassion de la race humaine qui l'attire dans les péchés. Après avoir prié et jeûné, notre Dieu m'a dit par son ange Gabriel : Que recherches-tu Jésus ? Quelle est ta requête ? Seigneur, répondis-je, tu sais de quel malheur Satan est la cause, et beaucoup périssent dans ses attraits. Seigneur, il est ta créature que tu as créée. Seigneur, aie compassion de lui. Je lui pardonnerai, Jésus. Fais-lui seulement dire : Seigneur mon Dieu, j'ai péché, aie compassion de moi. Voici je lui pardonnerai et le rétablirai dans son premier état. Je me réjouis grandement d'entendre cela. Croyant faire ce shalom, j'appelai Satan qui vint en disant : Que dois-je faire pour toi Jésus ? Tu le feras pour toi-même Satan, car je n'aime pas tes services, mais je t'ai appelé pour ton bien. Si tu ne désires pas mes services, je ne veux pas non plus des tiens. Je suis plus noble que toi qui n'es pas digne de me servir. Car tu es boue, tandis que je suis esprit, répondit Satan. Laissons cela, lui dis-je, et dis-moi si ce ne serait pas bien que tu retrouves ta première beauté et ton premier état. Mais tu dois savoir que l'ange Michaël doit te frapper 100 000 fois avec l'épée de Dieu le jour du jugement et que chaque coup te donnera la souffrance de 10 Sheol. Note. Même s'il est pardonné, il devra expier ses fautes. Nous verrons qui peut faire plus ce jour-là, répondit Satan. Car j'aurai certainement de mon côté beaucoup d'anges et les plus forts idolâtres pour troubler Dieu. Et il saura la grande erreur qu'il a faite de me bannir à cause d'une vulgaire boue. Tu es infirme de la pensée, Satan, tu ne sais pas ce que tu dis, répondis-je. Viens, faisons ce shalom entre Dieu et moi alors. Que dis-tu qu'il faut faire, Jésus ? Puisque tu es saint de la pensée ? Dit Satan en agitant ironiquement sa tête. Dis seulement deux mots, répondis-je. Quels mots ? Dit Satan. Cela. J'ai péché, aie pitié de moi. Je ferai volontiers ce shalom si Dieu me disait ces mots maintenant, dit Satan. Va-t'en maudit, toi l'origine du mal, du péché et de toute injustice. Dieu seul est juste et sans aucun péché, lui dis-je. Ce n'est pas ainsi Jésus, mais tu dis un mensonge pour plaire à Dieu, cria Satan avant de partir. Voyez maintenant s'il peut trouver compassion, dit Jésus à ses disciples. Jamais car il est non pénitent, dirent-ils. Maître, parle-nous du jugement de Dieu. Le jour du jugement de Dieu sera effroyable. En vérité je vous dis que les réprouvés choisiront 10 Sheol plutôt que venir entendre la colère de Dieu parler contre eux, contre lesquels toutes choses créées témoigneront. En vérité je vous dis, ce ne sont pas seulement les réprouvés qui auront peur mais aussi les saints de Dieu et les élus. Abraham ne se fiera pas à sa justice. Job n'aura pas l'assurance de son innocence, et que dis-je, même l'envoyé de Dieu aura crainte. Pour faire savoir son excellence, Dieu privera son envoyé de mémoire pour qu'il n'ait pas souvenir que Dieu lui a donné toute chose. Je vous dis en vérité, Et parlant du cœur, je tremble parce que je serai appelé Dieu dans le monde et je devrai en rendre compte. Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, je suis un homme mortel comme les autres hommes, je suis le servant de Dieu même. Si Dieu m'a placé comme prophète pour la santé des faibles et la conversion des pécheurs de la maison d'Israël. Vous êtes témoin de cela quand j'ai parlé de ces hommes malfaisants qui modifieront les vérités de mon séfer après mon départ du monde par un piège de Satan. Vers la fin, je reviendrai avec Enoch et Élia pour venir témoigner contre les malfaisants dont la fin sera maudite. Ayant parlé ainsi, Jésus versa des larmes. Les disciples pleurèrent aussi et élevèrent leur voix. « Pardonne, Seigneur notre Dieu, aie pitié de ton innocent servant, Amen, Amen. Avant que ce jour arrive, une grande destruction viendra sur le monde. Il y aura des guerres si cruelles et sans pitié que le Père tuera le Fils, et le Fils tuera le Père en raison des divisions des tribus. Les villes seront détruites et le pays deviendra désert. Il y surviendra de telles pestilences que personne ne sera trouvé pour porter les morts en tombe, laissés en pâture aux bêtes. À ceux qui resteront sur la terre, Dieu enverra une telle pénurie que le pain vaudra plus que l'or et ils mangeront toutes sortes de choses impures. Âge misérable ou en raison du manque, on entendra dire : j'ai péché. Aie pitié de moi, Dieu. Mais ils maudiront avec d'horribles voix celui qui est éternellement béni et glorieux. Ensuite, lorsque ce jour approchera, chaque jour pendant 15 jours il viendra un signe d'horreur sur les habitants de la terre. Premier jour, le soleil fera sa course au ciel sans lumière, aussi noir que la teinte d'un vêtement, et il poussera des gémissements, comme un père gémit pour un fils à l'agonie. Deuxième jour, la lune se tournera en sang et le sang viendra en rosée sur la terre. Troisième jour, les étoiles se verront combattre entre elles comme une armée d'ennemis. Quatrième jour, les pierres et les rochers se frapperont les uns contre les autres, comme des ennemis cruels. Cinquième jour, toutes plantes et herbes chleront du sang. Sixième jour, la mer s'élèvera sans quitter sa place à 150 coudées de hauteur, se tenant comme un mur tout le jour. Septième jour, au contraire, elle s'enfoncera si bas qu'elle sera à peine vue. Huitième jour, les oiseaux, les animaux de la terre et de l'eau s'assembleront de très près ensemble, criant et hurlant. Neuvième jour, il y aura une tempête de grêle si terrible, qui tuera tant qu'à peine le dixième de ce qui vit échappera. Dixième jour, il y aura tel horrible éclair et tonnerre, que la troisième part des montagnes se fendra et brûlera. Onzième jour, chaque rivière coulera à l'inverse, et coulera de sang et non d'eau. Douzième jour, toutes choses créées gémiront et pleureront. Treizième jour, le ciel sera roulé comme un livre et il pleuvra un feu tel que toutes choses vivantes mourront. Quatorzième jour, il y aura un tremblement de terre si horrible que les cimes des montagnes voleront à travers l'air comme des oiseaux et toute la terre deviendra une plaine. Quinzième jour, les saints anges mourront et seul Dieu sera vivant, à lui soit honneur et gloire. Craignons Dieu pour ne pas être terrifiés en ce jour, dit-il. Après ces signes, il y aura des ténèbres sur le monde pendant 40 ans. Seul Dieu est vivant, à lui honneur et gloire éternellement. Dieu donnera vie à son envoyé Saint-Esprit quand les 40 ans seront passés. Il se lèvera de nouveau comme le soleil, resplendissant comme 1000 soleils. Il s'assiera sans parler, il sera comme à côté de lui-même. Dieu relèvera de nouveau ses 4 anges favoris de Dieu. Ils chercheront l'envoyé de Dieu et l'ayant trouvé, Ils se posteront aux quatre coins de l'endroit pour faire garde sur lui. Dieu donnera vie à tous les anges. Ils viendront comme des abeilles autour de l'envoyé de Dieu. Dieu donnera vie à tous ses prophètes. À la suite d'Adam, ils iront tous embrasser la main de l'envoyé de Dieu pour se commettre sous sa protection. Dieu donnera vie à tous les élus. Ils s'écrieront : Pense à nous, digne de louange. La compassion de l'envoyé de Dieu s'éveillera à ses cris et il considérera ce qu'il doit faire par crainte pour leur salut. Dieu rendra vie à toutes choses créées. Tous reviendront dans leur premier état, tous seront capables de parler. Dieu rendra vie à tous les réprouvés. À leur résurrection, toutes les créatures de Dieu seront effrayées par leur laideur. Ils crieront : Seigneur notre Dieu, que ta compassion ne nous abandonne pas. Dieu relèvera Satan. Toutes créatures seront comme mortes d'effroi par les formes de son aspect hideux. Seul l'envoyé de Dieu, qui ne craint que Dieu seul, ne sera pas effrayé par ses formes. L'ange, dont le son de trompette les fit tous lever, fera encore sonner sa trompette en disant : Venez en jugement, créature. Votre Créateur veut vous juger. Un trône étincelant paraîtra du milieu du ciel, sur la vallée de Josaphat, sur lequel viendra une nuée blanche, alors que les anges s'écrieront : Tu es béni, toi notre Dieu, qui nous a créés, et nous a sauvés de la chute de Satan. L'envoyé de Dieu craindra lorsqu'il s'apercevra que personne n'a aimé Dieu comme il devait, car qui voudra changer une pièce d'or devra avoir 60 mites. Mais qui n'a rien qu'une mite ne pourra la changer. Et si l'envoyé de Dieu aura crainte, que feront les impies chargés de méchanceté? L'envoyé de Dieu rassemblera tous les prophètes, envers qui il s'adressera pour les conjurer de venir prier Dieu avec lui, pour les fidèles. Mais chacun s'excusera avec crainte. Comme Dieu vit, sachant ce que je sais, je n'y serai pas allé. Voyant cela, Dieu rappellera à son envoyé qu'il a créé toutes choses par amour pour lui. Et sa crainte le quittera. Il s'avancera avec amour et dévotion vers le trône alors que les anges chanteront : Béni est ton saint nom, ô Dieu, notre Dieu. Quand il sera près du trône, Dieu s'ouvrira à son envoyé comme un ami à un ami qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Le premier à parler sera l'envoyé de Dieu qui dira : Mon Dieu, j'adore, et je t'aime de tout mon cœur et âme. Je te remercie d'avoir eu la bonté de me créer pour être ton servant, et d'avoir tout fait par amour pour moi, pour que je puisse t'aimer pour toutes choses, en toutes choses, et au-dessus de toutes choses. Et que toutes tes créatures te louangent, mon Dieu. Et toutes les choses créées par Dieu diront : Nous te remercions, Seigneur, et bénissons ton saint nom. Je vous dis en vérité que Satan avec les démons et les réprouvés pleureront, et il coulera des yeux de chacun d'eux autant d'eau qu'il en a dans la rivière du Jourdain, néanmoins ils ne verront pas Dieu. Dieu parlera à son envoyé Saint-Esprit, disant : Tu es bienvenu mon fidèle servant, demande-moi ce que tu veux, car tu auras tout. Seigneur, répondra l'envoyé de Dieu, je me souviens que lorsque tu m'as créé, tu as dit vouloir faire le paradis, le monde, les anges, et les hommes, par amour pour moi, pour qu'ils te glorifient par moi, ton servant. Seigneur Dieu juste et gracieux, je te prie de te souvenir de ta promesse faite à ton servant. As-tu des témoins de cela, mon ami ? Dira Dieu digne de louange, comme un ami qui plaisante avec un ami. Oui, Seigneur, dira-il avec révérence. Gabriel. Va les appeler, répondra Dieu. Qui sont tes témoins, Seigneur? Dira l'ange Gabriel venu près de l'envoyé de Dieu. Adam, Abraham, Moshe, David et Jésus, répondra l'envoyé de Dieu. L'ange ira appeler les 10 témoins qui viendront dans la crainte. Quand ils seront en présence, Dieu leur dira : Vous rappelez-vous ce que mon envoyé déclare ? Quelle chose, Seigneur ? Répondront-ils. Que j'ai fait toutes choses par amour pour lui, et que toutes choses me louangent par lui. Seigneur, il y a 3 témoins avec nous meilleurs que nous, répondra chacun d'eux. Qui sont ces 3 témoins ? Répondra Dieu. Le premier est le livre que tu m'as donné, dira Moshe. Le deuxième est le livre que tu m'as donné, dira David. Et celui qui te parle dira, Seigneur, le séfer que tu m'as donné dit en vérité que je suis ton servant. Et ce livre confirme ce que ton envoyé déclare. Seigneur, le livre que tu m'as donné dit ainsi. Dira l'envoyé de Dieu. Dès que l'envoyé de Dieu aura parlé ainsi, Dieu dira, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait pour que tous sachent combien je t'aime. Après avoir dit cela, Dieu donnera à son envoyé un livre où sont écrits tous les noms des élus de Dieu. Toutes les créatures feront révérence à Dieu en disant, gloire et honneur à toi notre seul Dieu, pour nous avoir donné à ton envoyé. Dieu ouvrira le livre de la main de son envoyé. Son envoyé le lira et appellera tous les anges, les prophètes et tous les élus, sur le front de chacun sera inscrit le signe de l'envoyé de Dieu et la gloire du paradis sera inscrite dans le livre. Chacun passera à la main droite de Dieu. L'envoyé de Dieu s'assiera près de lui, les prophètes s'assieront près de lui, les saints s'assieront près des prophètes, les bénis s'assieront près des saints. L'ange sonnera la trompette pour appeler Satan en jugement. Quand ce misérable viendra, il se fera accuser par toutes les créatures avec le plus grand mépris. Dieu appellera l'ange Michaël pour le frapper 100 000 fois avec l'épée de Dieu. Il frappera Satan, chaque coup sera aussi lourd que dit Sheol, et il sera le premier à être jeté dans l'abysse. L'ange appellera ses suivants. Ils seront accusés du même décret de Dieu et traités pareillement. L'ange Michaël frappera certains 100 fois, d'autres 50, d'autres 20, d'autres 10, d'autres 5, et ils descendront dans l'abysse, car Dieu leur dira, le Sheol est votre habitation, malfaisant. Tous les incroyants et réprouvés seront appelés en jugement. En premier, toutes les créatures inférieures à l'homme se lèveront pour témoigner contre eux devant Dieu, comment ces hommes se sont servis d'elles, comment ils ont offensé Dieu même et ses créatures. Et chacun des prophètes se lèvera à témoin contre eux et Dieu les condamnera aux flammes infernales. Je vous dis en vérité, aucune pensée ou parole inutile ne restera impunie en ce jour effroyable. Je vous dis en vérité, l'habit de poil resplendira comme le soleil. Et chaque pou qu'un homme aurait supporté par amour pour Dieu se changera en perles. Bénis 3 à 4 fois les pauvres qui auront servi Dieu avec leur cœur, en vraie pauvreté, et qui se seront privés de tout travail mondain. Ils seront libérés de nombreux péchés en ce jour et ne rendront pas compte comment ils ont dépensé les richesses du monde. Ils seront récompensés pour leur pauvreté et leur patience. Je vous dis en vérité, si le monde comprenait cela, il choisirait l'habit de poil plutôt que de pourpre, le pou plutôt que l'or, le jeûne plutôt que la fête. Quand tout aura été examiné, Dieu dira à son envoyé. Mon ami, vois comme leur méchanceté a été grande envers leur Créateur, moi qui avais mis à leur service toutes choses créées. Mais ils m'ont déshonoré en toutes choses, il est juste que je n'ai pas compassion d'eux. C'est vrai, glorieux Seigneur, notre Dieu, répondra l'envoyé de Dieu. Pas un seul de tes amis et tes servants ne peut te demander d'avoir compassion pour eux. Moi, ton servant, demande justice contre eux avant tous. Dès qu'il eut dit ces mots, tous les anges, les prophètes avec tous les élus de Dieu. Pourquoi dis-je les élus? Je vous dis en vérité, même les araignées, les mouches, les pierres et les grains de sable crieront pour demander justice contre les impies. Dieu fera retourner toutes les âmes vivantes inférieures à l'homme et à la terre, mais il enverra les impies au Shéol. En partant, ils verront encore cette terre en laquelle chiens et chevaux et autres vils animaux seront réduits et ils diront « Seigneur Dieu, fais-nous aussi revenir à la terre, mais ce qu'ils demandent ne leur sera pas accordé. » Les disciples pleurèrent amèrement tandis que Jésus parlait et pleura aussi beaucoup. « Maître, dit Jean, nous voulons savoir deux choses. Comment est-ce possible que l'envoyé de Dieu, plein de pitié et de compassion, n'aie pas pitié pour les réprouver en ce jour s'ils sont de même bout que lui? Et l'autre, que penser de l'épée de Michaël aussi lourde que dit Shéol, y a-t-il plus d'un Shéol? N'avez-vous pas entendu ce que dit le prophète David? Le juste rit de la destruction du pécheur. Il se moque de lui par ces mots. J'ai vu un homme qui avait mis son espoir dans sa force et ses richesses et qui n'a pas pris garde à Dieu. Je vous dis en vérité, Abraham se moquera de son père, et Adam de tous les réprouvés. Cela surviendra quand les élus se relèveront, si parfaitement unis à Dieu, qu'ils ne concevront pas le moindre doute dans leurs pensées sur sa justice. Chacun d'eux demandera justice, et par-dessus tous l'envoyé de Dieu. Comme Dieu vit, en présence duquel je me tiens, même si je pleure de pitié pour la race humaine, en ce jour je demanderai sans pitié justice, contre ceux qui méprisent ma parole, et par-dessus tout contre ceux qui souilleront mon séfer. Mes disciples, le Shéol est un et les damnés y subiront le châtiment éternel. Il a sept salles ou régions l'une plus profonde que l'autre, et celui qui va au plus bas subira un plus grand châtiment. Mes paroles sont vraies quant à l'épée de l'ange Michaël. Qui a commis un péché mérite un Shéol, et qui a commis deux péchés mérite deux Shéol. Dans un seul Shéol, les réprouvés éprouveront le châtiment comme s'ils étaient dans 10, dans 100, ou 1000. Dieu Tout-Puissant, par sa justice et par sa puissance, fera que Satan souffrira autant qu'il serait dans 100 000 Shéol, quant au reste, ce sera suivant la méchanceté de chacun. Vraiment, dit Céphas, la justice de Dieu est grande. Nous te prions de te reposer et nous dire demain ce qu'est le Shéol, car cet enseignement t'a rendu triste aujourd'hui, maître. Céphas, tu me demandes de me reposer? Tu ne sais pas ce que tu dis, sinon tu n'aurais pas dit cela. Je te dis en vérité, l'oisiveté dans cette vie présente est un poison à la piété, et un feu qui consume tout bon travail. As-tu oublié comment le prophète Shlomo a réprouvé l'oisiveté avec tous les prophètes de Dieu? Il dit la vérité que voici. Le paresseux qui ne veut pas travailler le sol par crainte du froid mendiera en été. Il dit aussi, tout ce que ta main peut faire, fais-le sans arrêt. Job le plus innocent ami de Dieu dit, l'homme naît pour travailler comme l'oiseau naît pour voler. Je vous dis en vérité, je hais l'oisiveté par-dessus tout. Le Sheol est un et contraire au paradis, comme l'hiver est contraire à l'été et le froid du chaud, qu'il faudrait voir les délices de Dieu au paradis pour pouvoir raconter les misères du Sheol. Lieu maudit par la justice de Dieu, pour maudire les infidèles et les réprouvés, dont parle Job l'ami de Dieu. Il n'y a pas d'ordre mais toujours la peur. Ésaïe le prophète dit des réprouvés. Leur flamme ne s'éteint jamais et leur vin ne meurt jamais. David dit dans les larmes. Il pleut sur eux des éclairs, avec foudre et souffre en grande tempête. Pécheurs misérables, comme les plats exquis leur sembleront détestables, ainsi que les vêtements coûteux, les lits moelleux et l'harmonie de chants doux. Et quelles nausées leur donneront les flammes brûlantes, les braises de cendre et les cruels tourments avec des larmes amères. En vérité, il aurait mieux valu n'avoir jamais été formé que subir la cruauté de ces tourments, dit Jésus avec soupir. Imaginez un homme souffrant de douleur dans chaque partie de son corps, dont tous se moquent, et n'ayant personne pour lui montrer compassion. Ne serait-ce pas une grande souffrance, dites-moi? Très grande, répondirent les disciples. Le présent est un délice du Sheol. Je vous dis en vérité que si Dieu plaçait sur une balance une seule heure de douleur du Sheol, et de l'autre toutes les douleurs à subir dans ce monde jusqu'au jour du jugement, les réprouvés au Sheol choisiront sans moindre doute les malheurs terrestres. Car les terrestres viennent de la main des hommes, mais les autres de la main des démons qui n'ont aucune pitié. Quel feu cruel donneront-ils aux misérables pécheurs? Quel froid glacial qui ne tempéreront pas même leur flamme? Quel grincement de dents? Quels pleurs et quels gémissements? Le Jourdain a moins d'eau que les larmes qui couleront de leurs yeux en permanence. Et là leurs langues maudiront toutes choses créées, leur père et mère, et leur créateur à jamais béni. Et Jésus, ainsi que ses disciples, se leva avant de prier suivant la loi de Dieu écrite au livre de Mosché, et prière. Le voyant triste, ses disciples ne lui parlèrent pas toute la journée, chacun étant stupéfié par ses déclarations. Après la prière du soir, Jésus ouvrit la bouche et dit : quel père de famille dormirait, sachant qu'un voleur va s'introduire dans sa maison ? Sûrement aucun, car il surveillerait en se tenant prêt pour frapper le voleur. Satan se présente en lion rugissant qui cherche à dévorer, car il cherche à faire tomber l'homme ainsi. Je vous dis en vérité que ce jour-là l'homme n'aura aucune crainte s'il agit comme un père de famille bien préparé. Un homme confia de l'argent à ses voisins pour acheter et vendre et que le profit soit séparé en juste part. Certains achetèrent et vendirent bien et doublèrent l'argent. D'autres utilisèrent l'argent pour servir l'ennemi de celui qui leur confia l'argent et dire du mal de lui. Maintenant dites-moi comment l'affaire se passera quand le voisin appellera les débiteurs à rendre compte? Sûrement qu'il rétribuera ceux qui ont bien acheté et vendu, mais contre les autres, il exprimera sa colère par des reproches et les punira suivant la loi. Comme Dieu vit, en présence duquel se tient mon âme, Dieu est le voisin qui donna à l'homme tout ce qu'il a, même la vie, afin qu'en vivant bien dans ce monde, Dieu reçoit la louange et l'homme la gloire du paradis. Par leur exemple, ceux qui vivent bien doublant leur argent lorsque les pécheurs se convertissent en voyant leur exemple. Les hommes qui vivent bien recevront donc une grande récompense. Quant aux malfaisants qui pêchent avec ce que Dieu leur a confié et passent leur vie au service de Satan, l'ennemi de Dieu, et outragent Dieu en offensant les autres. Dites-moi quelle sera leur récompense? Elle sera sans mesure, dirent les disciples. Que celui qui veut vivre bien prenne exemple du marchand qui verrouille sa boutique et surveille jour et nuit avec vigilance, vu qu'il veut faire un profit en vendant ce qu'il a acheté. Mais s'il perçoit qu'il perd, il ne vendra pas, pas même à son propre frère. C'est ainsi que vous devez faire. En vérité, votre âme est un marchand et le corps sa boutique. Elle achète ce qu'elle perçoit de l'extérieur par sa perception et vend par elle l'argent et l'amour. Que par votre amour, ne vendez ni n'achetez la moindre pensée dont vous ne pourriez tirer bénéfice. Que pensez, parlez et travaillez soit entièrement pour l'amour de Dieu, et vous vous trouverez en sûreté ce jour-là. Je vous dis en vérité, beaucoup font des ablutions et vont prier, beaucoup donnent l'aumône et jeûnent, beaucoup étudient et enseignent aux autres, mais leur fin est en horreur devant Dieu, car ils lavent le corps mais non le cœur. Ils pleurent avec la bouche mais non du cœur. Ils s'abstiennent de viande mais se remplissent de péché. Ils donnent aux autres des choses pas bonnes, pour eux pour être regardés bons. Ils prêchent aux autres ce qu'ils ne font pas eux-mêmes, ils se condamnent par leur langue. Comme Dieu vit, ceux-là ne connaissent pas Dieu par leur cœur, car s'ils le connaissaient, ils l'aimeraient. Tout ce qu'un homme a, il le reçoit de Dieu, aussi il doit tout dépenser par amour pour Dieu. Après quelques jours, alors que Jésus passait près d'une ville de Samaritains, ils ne le laissèrent pas entrer dans la ville, ni ne voulurent vendre du pain à ses disciples. « Maître, te plairait-il que nous prions Dieu d'envoyer le feu du ciel sur ces gens ?» dirent Jacob et Jean. « Vous ne savez pas quel esprit vous domine pour parler ainsi, rappelez-vous quand Dieu décida de détruire Ninive parce qu'il n'en trouva pas un seul qui craignait Dieu. Cette ville était si mauvaise que Dieu appela le prophète Jonas pour l'envoyer vers cette ville, mais il s'enfuit à Tarchish par peur des gens. Dieu le fit jeter dans la mer, puis recueillir par un poisson, et renvoyer près de Ninive. Alors il y prêcha et ce peuple se repentit et fut converti, et ainsi Dieu eut compassion d'eux. Malheur à ceux qui appellent vengeance, car elle viendra sur eux. Car tout homme a dans lui une cause pour la vengeance de Dieu. Avez-vous créé cette ville avec ce peuple, dites-moi? Sûrement pas, insensé que vous êtes. Toutes les créatures réunies ensemble ne peuvent créer de rien, pas même une seule mouche, car c'est cela créé. Notre Dieu béni qui a créé cette ville, la provisionne jusqu'à présent, pourquoi souhaiter la détruire? Pourquoi n'avoir pas dit? Te plaît-il, maître, de prier notre Seigneur Dieu pour que ce peuple soit enclin à la repentance? Car c'est sûrement le geste approprié qui convient à un de mes disciples, que de prier Dieu pour ceux qui agissent mal, comme fit Abel quand il fut tué par son frère Caïn que Dieu a maudit, Abraham quand Pharaon prit sa femme, car l'ange de Dieu le frappa d'infirmité sans le tuer, Zécharia quand il fut tué dans le temple par ordre du roi impie, comme ont fait Jérémia, Ésaïa, Ézéchiel, Daniel, David, ainsi que tous les amis et saints prophètes de Dieu. Dites-moi, si un frère est atteint de délire, voudrez-vous le tuer parce qu'il parle mal ou frappe ceux qui viennent près de lui? Sûrement que vous ne feriez pas ainsi, mais vous vous forceriez plutôt à restaurer sa santé avec des médecines qui conviennent à son infirmité. Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, un pécheur est infirme de raison quand il persécute un homme. Dites-moi, y a-t-il quelqu'un qui se frapperait à la tête pour peut-être déchirer le manteau de son ennemi? Car comment celui qui veut se séparer de Dieu, la tête de son âme, pour peut-être blesser le corps de son ennemi, peut-il avoir une raison saine? Dites-moi qui est l'ennemi de l'homme? Sûrement votre corps et tous ceux qui vous louangent. Si votre raison était saine envers les hommes, vous embrasseriez la main de ceux qui vous détestent, Vous feriez des présents à ceux qui vous persécutent et vous frappent beaucoup. Car plus vous serez détestés et persécutés dans cette vie, moins vous le serez au jour du jugement. Dis-moi, si les saints hommes et les prophètes de Dieu ont été persécutés et diffamés par le monde alors qu'ils étaient innocents, que fera-t-on de vous, pécheurs? Et s'ils ont tout enduré avec patience, en priant pour le persécuteur, que devrez-vous faire aux hommes qui méritent le Shéol? Dites-moi mes disciples, ne savez-vous pas que Shimei maudissait David, le servant et prophète de Dieu, en lui jetant des pierres? À ceux qui voulaient tuer Shimei, David leur dit. Qu'est-ce pour toi Joab de vouloir tuer Shimei? Laisse-le me maudire, c'est à Dieu de vouloir changer cette malédiction en bénédiction. Il en fut ainsi. Dieu vit la patience de David et le délivra sûrement de la persécution d'Absalom, son propre fils. Aucune feuille ne tremble sans la volonté de Dieu. Quand vous êtes éprouvés, ne pensez pas à ce que vous devez supporter ni à ce qui vous afflige, considérez plutôt combien vous méritez de recevoir de la main des démons du Séol à cause de vos péchés. Vous êtes en colère contre cette ville, car elle n'a pas voulu nous recevoir, ni nous vendre du pain. Mais ces gens sont-ils vos esclaves, dites-moi? Leur avez-vous donné cette ville? Leur avez-vous donné leur grain ou les avez-vous aidés à le moissonner? Sûrement pas, car vous êtes de pauvres étrangers à cette région. Que dites-vous alors? Nous avons péché, Seigneur. Que Dieu ait pitié de nous, répondirent les deux disciples. Qu'il en soit ainsi, dit Jésus. Pesa approchait, Jésus monta à Jérusalem avec ses disciples et il alla au bain nommé Probatica, appelé ainsi car chaque jour l'ange de Dieu en agitait l'eau et le premier entré dans l'eau après ce mouvement guérissait de toutes sortes d'infirmités. Aussi un grand nombre de malades se mettaient sur le côté du bain qui avait 5 porches. Jésus y aperçut un homme impote qui avait une grave infirmité depuis 38 ans, apprenant cela par inspiration de Dieu, Jésus eut pitié de l'homme malade et lui dit « Veux-tu être remis entièrement ?»« Seigneur, quand l'ange agite l'eau je n'ai pas d'homme pour me mettre dedans. » »« Et pendant que je vais, un autre descend et entre dedans avant moi, » dit l'infirme. « Seigneur notre Dieu, Dieu de nos pères, aie pitié de cet homme sans force, » dit Jésus en levant ses yeux au ciel. « Au nom de Dieu, frère sois entier, lève-toi et prends ton lit, » lui dit-il. L'homme impote se leva et glorifia Dieu. Il mit son lit sur ses épaules et se dirigea vers sa maison en glorifiant Dieu. Ceux qui le virent crièrent. C'est le jour du Shabbat, il n'est pas permis de porter ton lit. Celui qui m'a remis entier m'a dit. Va, prends ton lit et ton chemin vers ta maison, répondit-il. Qui est-il? Demandèrent-ils. Je ne connais pas son nom. Ce doit être Jésus le Naziréen, dirent-ils entre eux. C'est un saint de Dieu, dirent d'autres. Celui qui fait ça est mauvais et fait rompre le Shabbat. Jésus se rendit au temple. Une grande foule vint près de lui pour écouter ses paroles. Les Kohanim furent jaloux. L'un d'eux vint lui dire « Bon Rabbi, tu enseignes bien la vérité. Quelle récompense Dieu nous donnera-t-il au paradis? Tu m'appelles bon? Ne sais-tu pas que seul Dieu est bon, comme dit Job l'ami de Dieu? Un enfant d'un jour n'est pas pur, voici que je suis né dans l'iniquité. Même les anges ne sont pas sans faute en présence de Dieu. » Il dit aussi, « La chair attire le péché et avale les fautes comme une éponge avale l'eau. » Le Cohen resta silencieux d'embarras. Jésus dit : Je vous dis en vérité, rien n'est plus risqué que parler, comme le dit Shlomo. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Prenez garde de ceux qui vous bénissent pour vous tromper, dit-il en s'adressant à ses disciples. Par sa bouche, Satan bénit nos premiers parents, mais le résultat de ses paroles fut la misère. Les sages d'Égypte bénirent aussi Pharaon, comme les prophètes bénirent Achab, mais leur flatterie était mensongère. Que périssent les flatteurs, avec celui qui est flatté. Ce n'est pas sans motif que Dieu dit par son prophète Ésaïe : Mon peuple, ceux qui te bénissent te trompent. Malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous, Lévites et Kohanim, qui polluez le sacrifice du Seigneur, vu que ceux qui viennent sacrifier croient que Dieu mange de la viande cuite comme un homme. Vous leur dites : Apportez de vos moutons, taureaux et agneaux au temple de notre Dieu, ne mangez pas tout mais donnez à notre Dieu une part de ce qu'il vous a donné. Mais vous ne leur dites pas que l'origine du sacrifice est un témoignage de la vie accordée au fils d'Abraham pour l'obéissance et la foi d'Abraham, que les promesses faites envers lui et la bénédiction que Dieu lui donna ne soient jamais oubliées. Dieu dit par le prophète Ézéchiel : Retirez de moi vos sacrifices, dont les victimes sont en horreur. Le temps approche que s'accomplira ce que notre Dieu dit par le prophète Oséa. J'appellerai élu le peuple non élu. Comme il dit par le prophète Ézéchiel. Dieu fera une nouvelle alliance avec son peuple, non comme l'alliance qu'il donna à vos pères, qui ne l'ont pas observée. Il retirera d'eux le cœur de pierre et leur donnera un nouveau cœur. Et cela parce que vous ne marchez pas dans sa loi. Vous avez la clé mais n'ouvrez pas, et vous bloquez le chemin à ceux qui veulent y marcher. Le Cohen allait partir tout rapporter au grand Cohen, qui se tenait près du sanctuaire. Reste, car je vais répondre à ta question. Tu m'as demandé de te dire ce que Dieu nous donnera au paradis, mais je te dis, en vérité ceux qui pensent aux récompenses n'aiment pas le maître. Le berger qui a un troupeau est prêt à le défendre quand il voit venir le loup, mais le mercenaire fuit et laisse le troupeau dès qu'il voit le loup. Comme Dieu vit, en présence duquel je me tiens, si le Dieu de nos pères était votre Dieu, vous n'auriez pas pensé dire : Que me donnera Dieu ? Vous auriez fait comme son prophète David dit : Que donnerai-je à Dieu pour tout ce qu'il m'a donné ? Je te dirai une parabole pour que tu comprennes. Un roi rencontra au bord de la route un homme blessé à mort et dépossédé par des voleurs. Il en eut pitié et ordonna à ses esclaves de le porter en ville pour le soigner, ce qu'ils firent avec diligence. Le roi conçut une si grande affection pour le malade qu'il lui donna en mariage sa propre fille afin d'en faire son héritier. Dès qu'il fut assuré de la compassion de ce roi, l'homme commença à maltraiter les esclaves et déprécier les médicaments, il maltraita sa femme et dit du mal du roi pour pousser ses sujets à se rebeller contre lui. Et quand le roi avait besoin d'un service, il avait l'habitude de dire : Que me donnera le roi en retour ? Dès que le roi comprit cela, qu'a-t-il fait de cet homme impie ? Malheur à lui, dirent-ils tous, le roi a dû le priver de tout et le punir cruellement. Toi grand Cohen, Kohanim, scribe et pharisien qui entendez ma voix. C'est à vous je déclare ce que Dieu a dit de vous par son prophète Ésaïe. J'ai nourri des esclaves et je les exaltais mais ils m'ont méprisé. Le roi est notre Dieu qui trouva Israël dans ce monde abondant de misère et le confia à ses servants Joseph, Moshe et Aaron pour en prendre soin. Notre Dieu conçut tant d'affection pour lui, pour la cause du peuple d'Israël, il frappa l'Égypte, noya Pharaon, mit en déroute 120 rois madianites et cananéens, et il lui donna ses lois pour le faire hériter de tout ce que notre peuple habite. Mais voici comment Israël se comporte. Combien de prophètes a-t-il tué? Combien de prophéties a-t-il souillé? Combien de fois a-t-il violé la loi de Dieu? Combien ont abandonné Dieu pour cette raison? Combien sont allés servir des idoles à travers vos offenses? Comme vous déshonorez Dieu par votre façon de vivre, Kohanim, et maintenant vous me demandez. Que nous donnera Dieu au paradis? Vous auriez dû me demander ce que Dieu vous donnera au Sheol et quel châtiment il y aura, et ce que vous devez faire en vraie pénitence, pour que Dieu ait pitié de vous. Cela je peux vous le dire puisque je suis envoyé vers vous dans ce but. Comme Dieu vit, en présence duquel je me tiens, vous ne recevrez pas de vénération de moi mais la vérité seulement. Je vous le dis. Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu comme nos pères faisaient après avoir péché, et n'endurcissez pas votre cœur. Les Kohanim furent enragés à ces paroles, mais ne dirent pas un mot par peur des gens communs. Jésus continua à leur dire. Dites-moi, docteurs, scribes, pharisiens et Kohanim. Vous qui désirez des chevaux pareils aux chevaliers, sans désir de combattre, d'aussi beaux vêtements que les femmes, sans désir de tisser, ni nourrir les enfants, des fruits des champs sans désir de cultiver la terre, des poissons de la mer, sans désir de pêcher, l'honneur des citoyens, sans désir de la République, les dîmes et les premiers fruits, comme Kohanim sans désir de servir Dieu véritablement. Que fera Dieu de vous en voyant ici que vous désirez tout le bien sans aucun effort? Je vous dis, en vérité Dieu vous donnera un endroit où vous aurez tous des efforts sans aucun bien. Après que Jésus dit cela, on lui amena un possédé, ne pouvant ni parler, ni voir et ni entendre. En voyant leur foi, Jésus leva les yeux au ciel en disant, Seigneur Dieu de nos pères, aie compassion de ce malade et donne-lui la santé pour que ce peuple sache que tu m'as envoyé, dit-il avant de donner ordre à l'esprit de partir. Par le pouvoir du nom de notre Seigneur Dieu, démon sort de l'homme. L'esprit partit, le muet parla et ses yeux voyaient. Chacun fut saisi de crainte. Il chasse les démons par Baal-Zébul le prince des démons, dirent les scribes. Tout royaume divisé contre lui-même tombé se détruit maison par maison. Si Satan était chassé par le pouvoir de Satan, comment son royaume tiendrait-il? Si vos fils expulsent Satan par les cris que le prophète Shlomo leur a donnés, ils témoigneront que je chasse Satan par le pouvoir de Dieu. Comme Dieu vit, blasphémer contre le Saint-Esprit et sans rémission dans ce monde et dans l'autre. Le méchant seul se blâme en connaissance du blâme. Ceci dit, Jésus sortit du temple. Les gens du commun le célébrèrent en rassemblant tous les malades qu'il put rapporter. Et après avoir prié, Jésus leur rendit à tous leur santé. En ce jour-là dans Jérusalem, par la manœuvre de Satan, la milice romaine se mit à brouiller les gens du commun en disant que Jésus était une divinité d'Israël venue visiter son peuple. Après Pesa, il quitta Jérusalem et entra dans les frontières de Caesarée à Philippi. L'ange Gabriel lui parla de la sédition qui s'était levée parmi les gens du commun. Jésus demanda à ses disciples. Que disent les hommes de moi? Certains disent que tu es Élia, d'autres Jérémia, d'autres un des anciens prophètes, dirent-ils. Et vous, que dites-vous que je suis? Tu es le Messie, fils de Dieu, répondit Céphas. Dès que Jésus arriva dans sa région à Nazareth, l'arrivée du prophète se propagea dans toute la Galilée et ils avaient soigneusement cherché les malades pour lui amener et le supplier de les toucher de ses mains. La foule était si grande qu'un certain riche atteint de paralysie, incapable de se faire porter jusqu'à la porte, se hissa lui-même sur le toit de la maison où était Jésus, il fit une ouverture au toit et, à l'aide des feuilles, descendit jusqu'à lui. Jésus garda silence un instant et dit : « N'aie crainte, frère, tes péchés te sont pardonnés. » Mais qui est-il pour pardonner les péchés ? Dirent les gens offensés. Comme Dieu vit, je ne peux pas plus pardonner les péchés qu'un homme, car seul Dieu pardonne. Mais étant le servant de Dieu, je peux le supplier pour les péchés des autres comme je l'ai supplié pour ce malade, et je suis assuré qu'il a entendu ma prière afin que vous reconnaissiez que je dis la vérité. Dans le nom de Dieu, malade, lève-toi guéri. Quand Jésus eut dit cela, ce malade se leva guéri en glorifiant Dieu. Les gens du peuple implorèrent Jésus de supplier Dieu pour les malades qui se tenaient dehors et Jésus sortit vers eux. Il leva ses mains et dit : « Seigneur Dieu des armées, Dieu vivant, Dieu véritable, Dieu saint qui vit à toujours, aie compassion d'eux. » Quand chacun dit « Amen », Jésus posa ses mains sur les malades et ils reçurent tous leur santé en glorifiant Dieu. Dieu nous a visités par son prophète. Dieu nous a envoyé un grand prophète. Dans la nuit, Jésus parla secrètement à ses disciples. Je vous dis, en vérité, Satan souhaite vous passer au crible comme le blé. J'ai supplié Dieu pour vous et il n'y aura aucun danger contre vous sauf pour celui qui me pose des pièges. Il parlait de Judas, car l'ange Gabriel lui avait dit comment Judas avait la main avec les Cohanim en leur rapportant tout ce que disait Jésus. Celui qui écrit ceci s'approcha de lui et dit : « Maître, dis-moi qui est celui qui te trahira ? Ce n'est pas l'heure de savoir pour toi Barnabé, mais le mauvais se révélera de lui-même, bientôt quand je partirai du monde. Pourquoi nous abandonneras-tu, maître ? Mieux vaut mourir si tu nous abandonnes, dirent les apôtres en pleurs. Que votre cœur ne soit pas troublé, soyez sans crainte, car notre Créateur Dieu qui vous a créé vous protégera. Prenez garde plutôt à ne pas vous faire tromper, car de nombreux faux prophètes viendront prendre mes paroles pour contaminer mon séfer. Maître, dit Adrien, dis-nous quelques signes afin que de pouvoir les reconnaître. Cela ne viendra pas en votre temps mais dans de nombreuses années après vous. Mon séfer sera effacé au point qu'il y aura à peine 30 croyants. Quant à moi, je suis venu dans le monde préparer la voie de l'envoyé de Dieu, Saint-Esprit, qui apportera le salut au monde. En ce temps-là, Dieu aura miséricorde sur le monde et il enverra son envoyé sur la tête, duquel reposera une nuée blanche, par laquelle il sera reconnu pour un élu de Dieu et sera manifesté au monde par lui. Il viendra avec grand pouvoir contre les impies et détruira l'idolâtrie sur la terre. Cela me réjouit car notre Dieu sera reconnu et glorifié par lui et je serai reconnu pour véritable. Il fera vengeance contre ceux qui ont dit que je suis plus qu'un homme. Je vous dis, en vérité la lune dans sa jeunesse le servira et il la prendra dans ses mains quand il sera grand. Que le monde prenne garde de le chasser parce qu'il tuera les idolâtres, beaucoup plus que le servant de Dieu Moshe et Josué ont tué, sans épargner les villes qu'ils brûlèrent et tuant les enfants, comme on applique le feu à une vieille plaie. Il viendra avec la vérité plus clairement que tous les prophètes et incriminera celui qui fait le mal dans ce monde. Les tours de la ville de notre Père l'accueilleront avec joie. Quand l'idolâtrie sera renversée par terre et qu'un homme me confessera, je vous dis en vérité que l'envoyé de Dieu est venu. Je vous dis en vérité, Satan essaiera de vous tromper, même vous qui êtes des amis de Dieu, car personne n'attaque ses propres villes. Satan vous laisserait dévier dans votre plaisir personnel s'il avait sa volonté sur vous, mais sachant que vous êtes ses ennemis, il vous fera violence pour vous faire périr. N'ayez pas peur car Dieu a entendu ma prière. Il sera pour vous comme un chien enchaîné. Pas pour nous seuls maîtres, mais pour ceux qui croiront au livre, dit Johan, dis-nous aussi comment l'ancien tentateur attend pour l'homme. Ce mauvais provoque de quatre façons par des pensées, paroles et actions de ses suivants, fausses croyances, fausses visions. Les hommes doivent être d'autant plus prudents qu'il a en sa faveur la chair qui aime le péché comme le fiévreux aime l'eau. Je vous dis en vérité, celui qui craint Dieu aura victoire sur tout, comme son prophète David dit. Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans tes voies, qu'aucun mal ne survienne. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, et ne s'approcheront pas de toi. Notre Dieu a promis de nous garder avec grand amour, en disant aussi par David. Je te donne la compréhension, qui t'enseignera et je ferai que mes yeux soient fixés sur toi où tu marcheras. Que dirais-je aussi, il dit par Ésaïe. Si une mère peut oublier l'enfant de son ventre, je te dis que si elle oublie je ne t'oublierai pas. Dites-moi qui craindrait Satan, s'il a les anges pour le garder et le Dieu vivant pour le protéger? Il faut néanmoins, comme le prophète Shlomo dit. Toi mon fils qui es venu craindre le Seigneur, prépare ton âme aux épreuves. Il y a eu et il y a dans le monde des hommes qui ne considèrent pas le péché de la pensée. Ils sont dans la plus grande erreur. Comment Satan a-t-il péché, dites-moi, sûrement en pensant qu'il était plus digne qu'Adam. Shlomo pécha en pensant pouvoir inviter toutes les créatures de Dieu à un repas. Mais il fut corrigé par un poisson qui mangea tout ce qu'il avait préparé. Dieu a dit par son prophète Ésaïe. Retirez devant mes yeux vos mauvaises pensées. Et c'est dans ce but que Shlomo dit. Garde ton cœur de toute ta garde. Comme Dieu vit, en présence duquel se tient mon âme, tout est dit contre les mauvaises pensées par lesquelles le péché se commet, car il n'est pas possible de pécher sans penser. Dites-moi maintenant, quand le laboureur plante la vigne, place-t-il les plants profondément? Sûrement que oui. Même Satan fait cela en plantant le péché, il ne s'arrête pas aux yeux ou à l'oreille mais passe par le cœur, qui est le domicile de Dieu, comme il dit par son servant Moshe. J'habiterai en eux pour qu'ils puissent marcher dans mes lois. Dites-moi. Si maintenant le roi Hérode vous donne la garde d'une maison où il souhaite vivre, laisseriez-vous son rival Pilate entrer et y placer ses meubles? Sûrement pas. Alors combien moins laisseriez-vous Satan entrer dans votre cœur et y placer ses pensées, si notre Dieu vous a donné la garde de son domicile qui est votre cœur? Observez le banquier comment il scrute une pièce de monnaie, si l'image de César est ressemblante, si l'argent est faux ou vrai, si le poids est approprié, et la tourne souvent dans sa main. Par sa prudence dans son commerce, ce monde insensé blâmera de négligence et d'inattention les servants de Dieu au dernier jour du jugement, car sans doute ses serviteurs sont plus prudents que les servants de Dieu. Maître, dit Jacob, comment scruter comme une monnaie? La dévotion en pensée est le véritable argent. L'image à suivre est celle des prophètes et des saints. Le poids est l'amour de Dieu en pensée, par lequel tout se fait. L'ennemi portera de l'affection terrestre pour corrompre l'affection en Dieu par des pensées impies, afin de corrompre la chair d'après le monde. Maître, dit Barthélemy, que faire pour penser peu, pour ne pas tomber en tentation? Deux choses vous sont nécessaires. La première est de vous impliquer beaucoup, la deuxième est de parler peu. L'oisiveté rassemble les pensées impures comme un bassin, et trop parler comme une éponge qui ramasse les fautes. Votre travail doit tenir le corps occupé, et vos prières doivent tenir l'âme occupée. Ne jamais cesser de prier. Je vous dis un exemple. Il y avait un homme qui payait mal, par conséquent, pas un qui le connaissait n'allait labourer ses champs. Tel un mauvais homme, il se dit. J'irai sur la place du marché trouver des oisifs, ceux qui ne font rien, car ils viendront labourer mes champs. Il sortit de sa maison et trouva beaucoup d'étrangers qui n'avaient pas d'argent et se tenaient oisifs. Il le parla et les conduit dans sa vigne. Mais pas un qui le connaissait vraiment et avait travaillé sous sa main n'y alla. Celui qui paie mal est Satan. Il donne du travail à l'homme pour qu'il reçoive les flammes éternelles pour son travail. Depuis que Satan est sorti du paradis, il va chercher des laboureurs et place sûrement sur ses travaux ceux qui se tiennent dans l'oisiveté, qui qu'ils soient, mais plus ceux qui ne le connaissent pas. Chacun doit travailler au bien pour surmonter le mal, il ne suffit pas de savoir pour l'éviter. Je vous dis un exemple. Un homme avait trois vignes, qu'il confia à trois laboureurs. Au premier, le vignoble ne produit que des feuilles, car il ne savait pas comment cultiver le vignoble. Le troisième fut enseigné par le deuxième du comment cultiver les vignes, et ayant très bien écouté ses paroles, il cultiva la sienne comme il lui dit à tel point que le troisième vignoble porta beaucoup. Le deuxième laissa son vignoble non cultivé et passait son temps qu'à parler. Quand vint le temps pour le paiement du loyer au propriétaire des vignobles, le premier dit « Seigneur, je n'ai reçu aucun fruit cette année, car je ne sais pas comment cultiver ton vignoble. Insensé, habites-tu seul dans le monde pour ne pas avoir demandé conseil à mon deuxième vigneron qui sait bien comment cultiver la terre? C'est certain que tu me paieras, dit le Seigneur. Il le condamna à travailler en prisonnier jusqu'à ce qu'il soit payé. Mais ému de compassion à sa simplicité, son Seigneur le libéra, disant « Assez pour toi, je te remets ta dette. Pars, je ne veux plus que tu travailles à mon vignoble. » Le deuxième vint et le Seigneur dit « Bienvenue mon vigneron. Où sont les fruits que tu me dois? Puisque tu sais bien tailler les vignes, le vignoble que je t'ai laissé doit sûrement avoir porté beaucoup de fruits. Seigneur, répondit le deuxième, je ne peux pas te payer, ta vigne est en retard, parce que je n'ai pas taillé le bois ni travaillé le sol, le vignoble n'a donc pas porté fruit. Le Seigneur appela le troisième et dit avec étonnement. Tu me dis que l'homme à qui j'ai laissé la deuxième vigne t'a enseigné parfaitement à cultiver le vignoble que je t'ai laissé. Mais comment le vignoble que je lui ai laissé n'a pas porté fruit vu que c'est la même terre? Seigneur, répondit le troisième, les vignes ne sont pas cultivées en parlant, mais qui veut leur faire porter fruit doit suer une chemise chaque jour. Comment le vignoble de ton vigneron peut-il porter fruit s'il ne fait rien que gâcher son temps à parler? Il est certain, Seigneur, que s'il avait mis ses propres paroles en pratique, il t'aurait donné 5 ans de location. Et moi qui ne peux beaucoup parler t'ai donné 2 ans de la location. Le Seigneur fut en colère et dit avec mépris au deuxième vigneron. Comme tu as fait un grand travail sans couper le bois ni niveler le vignoble, une récompense te revient ici. Il appela ses serviteurs et le fit battre sans pitié. Puis il le mit en prison, sous la garde d'un cruel serviteur, qui le battait chaque jour, et n'a jamais voulu le libérer malgré les prières de ses amis. Je vous dis en vérité, au jour du jugement, beaucoup diront à Dieu. Seigneur, nous avons prêché et enseigné conformément à ta loi. Mais les pierres même crieront contre eux. Injuste travailleur, vous vous condamniez de votre propre bouche, lorsque vous avez prêché aux autres. Comme Dieu vit, celui qui sait la vérité, mais qui ne fait rien que le contraire, sera puni d'un châtiment si sévère, que Satan en aura presque pitié. Dites-moi maintenant, est-ce que notre Dieu nous donne la loi pour la savoir ou l'observer? Je vous dis en vérité, toute connaissance a pour sagesse de faire ce qu'elle connaît. Si quelqu'un assis à table aperçoit des yeux de tendre plat, mais que ses mains choisissent des choses impures à manger, ne serait-il pas fou? Dites-moi. Sûrement oui, dirent les disciples. Plus fou que tous les fous tu es. De choisir la terre par tes mains lorsque tu connais le ciel de par ton entendement. De désirer le monde par ton affection lorsque tu connais Dieu de par ton entendement. De choisir les misères du Séol par tes actes lorsque tu connais les délices du paradis de par ton entendement. Pauvre soldat qui délaisse l'épée et emporte le fourreau pour combattre. Celui qui marche la nuit souhaite la lumière, non seulement pour voir la lumière, mais pour voir la bonne route, et qu'ainsi il passe sans risque jusqu'à l'hôtellerie. Monde misérable, à être mille fois méprisé et détesté. Notre Dieu a toujours voulu faire connaître à ses prophètes et saints la route pour aller dans son pays et son repos, mais toi mauvais, non seulement tu ne veux pas y aller, mais pire, tu méprises la lumière. Vrai est le dicton du chameau, qui n'aime pas boire à l'eau claire, pour ne pas voir la laideur de sa face. C'en est ainsi du mauvais qui agit mal, il déteste la lumière, qui fait voir ses mauvaises actions. Celui qui reçoit la sagesse, sans agir pour le bien, mais pire l'emploi au mal, est pareil à celui qui utilise les dons, comme moyen de tuer le donneur. Je vous dis en vérité, Dieu a eu compassion de la chute d'Adam, mais pas de la chute de Satan. Cela devrait suffire pour savoir le triste état de celui qui connaît le bien mais fait le mal. Maître, dit Adrier, c'est une bonne chose de mettre de côté le savoir pour ne pas tomber dans un tel état. Si le monde était sans soleil, l'homme sans yeux, l'âme sans entendement, serait-il bien ainsi de ne pas savoir? Je vous dis en vérité, le pain n'est pas aussi bon pour la vie temporelle que le savoir pour la vie éternelle. Sachez que savoir est un précepte de Dieu, ainsi que Dieu dit. Demandez à vos anciens qui vous apprendront. Et Dieu dit de la loi. Vois que mes paroles soient devant tes yeux, quand tu t'assis, quand tu marches, et que tu les médites en tout temps. Maintenant, quant à si c'est bien ou non d'apprendre, vous devez savoir dans quelle misère est celui qui a du mépris pour la sagesse, car il est sûr de perdre la vie éternelle. Maître, dit Jacob, nous savons que ni Job ni Abraham n'ont appris d'un maître, pourtant ils sont devenus des prophètes et des saints. Je vous dis en vérité, qui est de la maison du fiancé n'a pas besoin d'être invité au mariage s'il habite la maison où le mariage a lieu, mais que pour ceux qui sont loin de la maison. Ne savez-vous pas que les prophètes de Dieu sont dans la maison de grâce et de miséricorde de Dieu? Aussi ils ont la loi de Dieu manifeste en eux, comme le dit David. La loi de son Dieu est dans son cœur, sa voix n'est pas à déterrer. Je vous dis en vérité, en créant l'homme, non seulement notre Dieu le créa juste, mais il plaça en son cœur une lumière qui lui montre comment il convient de le servir. Même si cette lumière s'est obscurcie après le péché, elle ne s'est pas éteinte. Chaque nation a ce désir de servir Dieu, même s'ils ont perdu Dieu en servant de fausses divinités du mensonge. Par conséquent, Il faut qu'un homme soit enseigné par les prophètes de Dieu, qui ont clairement la lumière et enseignent la voie pour aller dans notre pays, le paradis, et pour servir Dieu bien et justement. Comme celui qui a ses yeux malades a besoin d'être aidé et guidé. Comment les prophètes nous enseigneront-ils s'ils sont morts? Demanda Jacob. Comment sera enseigné celui qui ne connaît pas les prophètes? Leur enseignement est écrit et vous devez l'étudier comme un prophète. En vérité je vous dis, celui qui a du mépris pour la prophétie ne méprise pas le prophète seulement mais aussi Dieu qui l'a envoyé. Pour ceux dans ces régions où vivent les nations qui ne connaissent pas les prophètes, que l'homme vive comme son cœur lui montre. Ne faisant pas aux autres ce qu'il ne veut pas recevoir des autres, donnant à son prochain ce qu'il veut recevoir des autres. Un tel homme ne sera pas écarté de la compassion de Dieu. Et à sa mort, sinon plutôt, Dieu se montrera pour lui donner sa loi avec compassion. Pensez-vous peut-être que Dieu a donné la loi pour l'amour de la loi? Sûrement pas. Dieu a donné sa loi pour que l'homme fasse le bien par amour pour Dieu. Si Dieu trouve un homme qui fasse le bien par amour pour lui, va-t-il le mépriser peut-être? Sûrement pas. En vérité, il l'aimera plus que ceux à qui il a donné la loi. Je vous dis un exemple. Un homme avait de grandes possessions et dans son territoire une terre désertique qui ne portait que des choses sans fruits. Tandis qu'il marchait à travers cette terre désertique, un jour il trouva une plante qui portait de tendres fruits parmi les plants sans fruits. Il dit : Comment cette plante porte-t-elle ici de si tendres fruits ? Je ne veux sûrement pas la couper, ni la mettre au feu avec le reste. Ayant appelé ses serviteurs, ils la déterrèrent pour la mettre dans son jardin. Ainsi même je vous dis, notre Dieu préservera des flammes du Séol ceux qui agissent avec justice, dans quelque lieu qu'il soit. Dites-moi, Job n'habitait-il pas à Utz, parmi les idolâtres? Et quand Moshe a écrit sur le temps du déluge, ne dit-il pas? Vraiment Noé trouva grâce devant Dieu. Abraham avait un père sans foi, qui fabriquait et vénérait de fausses divinités. Lot habitait parmi les hommes les plus méchants sur terre. Daniel encore enfant, avec Anania, Azaria, et Misaël furent pris en captivité par Nabuchadnezzar et n'avaient que 2 ans, quand ils se nourrissaient parmi la multitude des servants idolâtres. Comme Dieu vit, notre Dieu a compassion de tous ceux qui agissent avec justice, sans différencier un juif d'un scythe, un grec d'un ishmaélite. Lorsque le feu brûle, il met le feu aux choses sèches, sans différencier l'olivier, le cyprès et le palmier. Jacob, que ton cœur ne s'arrête pas seulement là où Dieu a envoyé le prophète. Il est aussi impératif de renoncer à ton propre jugement pour suivre le prophète, et ne pas dire. Pourquoi dit-il cela? Pourquoi nous donner des ordres et interdire? Mais dis-toi que si Dieu l'ordonne ainsi, Dieu le veut ainsi. Et qu'a dit Dieu à Moshe, quand Israël détesta Moshe? C'est moi qu'ils ont détesté, pas toi. En vérité je vous dis, l'homme devrait passer tout le temps de sa vie à apprendre comment bien agir, non à apprendre à parler ou à lire. Dites-moi quel servant d'Hérode n'étudierait pas pour lui plaire et le servir avec précaution? Malheur aux mondains qui n'apprennent qu'à plaire à un corps de boue et d'excrétion, et oublient celui qui a fait toutes choses pour ne pas apprendre à plaire à Dieu, éternellement béni. Dites-moi, aurait-ce été une grande faute si les Kohanim qui portaient l'arche de l'Alliance de Dieu l'auraient laissé tomber? Les disciples tremblèrent, sachant que Dieu avait tué Uzza pour avoir touché l'arche de Dieu à tort. Cette faute serait très grave, dirent-ils. Comme Dieu vit, c'est une plus grave faute d'oublier les paroles de Dieu par lesquelles il fit toutes choses et par lesquelles il vous offre la vie éternelle. Jésus fit la prière. Après la prière, il nous dit : Demain nous devons passer en Samarie comme le Saint-Ange de Dieu m'a dit. Tôt le matin d'un certain jour, Jésus arriva près du puits que fit Jacob, qu'il avait donné à son fils Joseph. Fatigué du voyage, Jésus envoya ses disciples en ville pour acheter à manger, et s'assit près du puits, sur la pierre du puits. Et voici qu'une femme de Samarie vint tirer l'eau du puits. Jésus lui dit : Donne-moi à boire. N'as-tu pas honte, toi un Hébreu, de demander à boire à une Samaritaine ? Dit la femme. Si tu savais qui est celui qui te demande à boire, peut-être lui aurais-tu demandé à boire. Comment donnerais-tu à boire si tu n'as ni cruche ni corde pour puiser l'eau profonde du puits ? Qui boit l'eau de ce puits aura encore soif. Qui boit l'eau que je donne n'aura plus soif. Je donne à boire à ceux qui ont soif jusqu'à ce qu'ils viennent à la vie éternelle. Donne-moi de ton eau, Seigneur, dit la femme. Va appeler ton mari que je vous donne à boire à tous deux. Je n'ai pas de mari, dit la femme. Tu dis vrai, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Seigneur, dit la femme confuse, je vois bien que tu es un prophète, je te prie de me dire qui sont les vrais adorateurs. Car les Hébreux qui vont prier au mont Sion à Jérusalem dans le temple construit par Shlomo, disent que la grâce et la miséricorde de Dieu se trouvent là et nulle part ailleurs. Mais notre peuple qui vénère sur ces montagnes dit que c'est seulement sur les montagnes de Samarie qu'on peut vénérer. Malheur à toi Judas qui te vantais en disant « Le temple du Seigneur, le temple du Seigneur », alors que tu vis totalement dans les plaisirs mondains et les gains comme si Dieu n'existait pas. Cette femme te condamnera au Séol au jour du jugement, car elle cherche à savoir comment trouver grâce et miséricorde devant Dieu. Vous Samaritains vénérez ce que vous ne connaissez pas, nous Hébreux vénérons ce que nous connaissons. La promesse de Dieu a été faite dans le temple de Shlomo à Jérusalem, et pas ailleurs. Je te dis en vérité, Dieu est esprit et vérité, aussi il doit être vénéré en esprit et en vérité. Crois-moi, femme, un temps viendra où Dieu donnera sa miséricorde à une autre ville, et il sera possible dans tout lieu de le vénérer en vérité, car Dieu acceptera la vraie prière en tout lieu avec miséricorde. Quand le Messie vient-il ? Car nous le cherchons pour nous enseigner, dit la femme. Tu sais que le Messie doit venir ? Oui Seigneur, répondit-elle. Aussi loin que je vois, femme, tu es croyante, dit Jésus avec joie. Apprends que quiconque est élu de Dieu sera sauvé par la foi au Messie. Il te faut donc connaître la venue du Messie. Seigneur, peut-être es-tu le Messie ? Dit la femme. En vérité, je suis envoyé à la maison d'Israël comme prophète du salut. Après la venue au monde entier de l'envoyé oint par Dieu, pour qui Dieu a fait le monde, Dieu sera alors vénéré dans le monde entier et la miséricorde acceptée, au point que l'année du jubilé qui vient tous les 50 ans sera ramenée par le Messie un an en tout lieu. La femme laissa sa cruche pour courir en ville annoncer tout ce qu'elle avait entendu de Jésus. Alors que la femme parlait avec Jésus, ses disciples arrivèrent en s'étonnant que Jésus parle à une femme bien que pas un ne lui demandât pourquoi il parlait avec une Samaritaine. « Viens et mange maître », lui dirent-ils quand la femme partit. « Je dois manger une autre nourriture », répondit-il. Les disciples se dirent l'un l'autre, que quelques voyageurs avaient peut-être parlé avec Jésus et étaient allés chercher de la nourriture. Alors ils questionnèrent celui qui écrit : Barnabé, qui est venu apporter de la nourriture au maître ? Il n'y a eu personne d'autre ici que la femme que vous avez vue qui a apporté cette cruche d'eau pour la remplir, répondit celui qui écrit. Les disciples restaient étonnés, attendant la suite des paroles de Jésus. Sachez que la vraie nourriture est de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas le pain qui donne vie et subsistance à l'homme, mais la parole de la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que les saints anges ne mangent pas, car ils se nourrissent que de la volonté de Dieu. C'est ainsi que nous, Moshe, Élia et un autre, avons été 40 jours et 40 nuits sans nourriture. Dans combien de temps sera la récolte ? Dit Jésus les yeux levés. 3 mois, répondirent les disciples. Voyez maintenant comme la montagne est blanche de grains. Je vous dis en vérité, il y a une grande récolte à moissonner aujourd'hui, dit Jésus en pointant la multitude qui venait pour le voir. La femme qui était allée en ville avait remué toute la ville en disant : Venez voir un nouveau prophète envoyé de Dieu à la maison d'Israël. Elle leur a raconté tout ce qu'elle avait entendu de Jésus. Ils arrivèrent et prièrent Jésus de demeurer avec eux. Jésus entra dans la ville et resta 2 jours à guérir tous les malades et à leur enseigner le royaume de Dieu. Les habitants dirent à la femme : Nous croyons en ces paroles et ces miracles plus qu'en ce que tu dis. C'est vraiment un saint de Dieu, un prophète envoyé pour le salut de ceux qui croient en lui. Après la prière de la demi-nuit, les disciples vinrent auprès de Jésus et il leur dit : Au temps de l'envoyé oint de Dieu, le Saint-Esprit, cette nuit sera chaque année le jubilé qui vient tous les 50 ans. Aussi je ne veux pas que nous dormions, mais mettons-nous en prière la tête baissée pour faire honneur à notre Dieu puissant et miséricordieux à jamais béni, et que nous disons chaque fois : Je crois en toi seul, notre Dieu, qui n'a ni jeunesse et n'aura jamais de fin, qui donna commencement à tout par ta miséricorde et donnera fin à tout par ta justice, qui n'a aucune similitude à l'homme. Aie pitié de nous par ton infinie bonté, car tu as nous créés et nous sommes le travail de ta main. Remercions Dieu qui nous a donné cette nuit une grande miséricorde, parce qu'il a fait réduire le temps qui doit venir cette nuit de sorte que nous avons pu prier ensemble avec l'onction de Dieu. Et j'ai entendu sa voix. Les disciples furent grandement heureux d'entendre cela. Maître, dirent-ils, enseigne-nous quelques préceptes cette nuit. Avez-vous déjà vu la myrrhe mélangée à la pourriture ? Non, Seigneur. Personne n'est assez fou pour faire ça, répondirent-ils. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'insensés dans le monde qui mélangent le service de Dieu avec le service du monde au point que de nombreuses vies irrépréhensibles sont trompées par Satan lorsqu'il prie, car ils mélangent les affaires mondaines à leurs prières et deviennent abominables aux yeux de Dieu à ce moment-là. Dites-moi, quand vous vous lavez pour prier, prenez-vous soin que rien d'impur ne vous touche ? Oui, sûrement. Quand vous faites la prière, que faites-vous ? Vous lavez les péchés de votre âme par l'intervention de la miséricorde de Dieu. Qui s'empresserait de parler de choses mondaines en priant ? Prenez garde de ne pas agir ainsi, car chaque parole mondaine se change en excrément du diable sur l'âme de celui qui parle. Les disciples tremblèrent car il avait parlé avec vigueur d'esprit. Et ils demandèrent : Que faut-il faire, maître, quand un ami vient parler avec nous lorsque nous prions ? Finissez de prier. Laissez-le patienter. Et s'il repart, scandalisé de voir que nous ne parlons pas avec lui, dit Barthélemy. S'il est scandalisé, Croyez-moi que ce n'est pas un croyant, ni un de vos amis, mais plutôt un incroyant, et un associé de Satan. Si vous allez parler à un garçon d'écurie d'Hérode, et que vous le trouviez en train de parler à l'oreille d'Hérode, seriez-vous scandalisé s'il vous fait attendre, dites-moi? Sûrement pas. Vous seriez conforté de voir votre ami dans la faveur du roi, n'est-ce pas? Tout à fait, répondirent les disciples. Je vous dis en vérité, quand chacun fait une prière, il parle avec Dieu. Serait-il juste d'arrêter de parler avec Dieu pour parler à un homme à la place? Serait-il juste que votre ami se scandalise parce que vous avez plus de considération pour Dieu que pour lui? Croyez-moi que s'il se scandalise que vous le fassiez attendre, c'est parce qu'il est un bon esclave du démon, car le démon désire que Dieu soit abandonné des hommes. Comme Dieu vit, celui qui craint Dieu devra s'éloigner des activités mondaines afin de ne pas nuire aux bonnes actions et ce pour toute bonne action. Quand un homme agit mal ou parle mal et qu'une personne le corrige pour l'empêcher d'agir ainsi, que fait cette personne? Il fait le bien, répondirent les disciples, car il sert la volonté de Dieu en empêchant le mal, comme le soleil veut repousser l'obscurité. À l'inverse, je vous dis, quand un homme agit bien ou parle bien, qui va l'empêcher pour un moindre prétexte ou pour rien, sert le démon et devient même son associé. Car le démon ne s'occupe qu'à empêcher toute bonne action. Que vous dirai-je? Je vous dis comme dit le prophète Shlomo, l'ami est le saint de Dieu. Sur mille que tu connais un seul est ton ami. Ne pourrons-nous aimer personne? Dit Matthée. Je vous dis qu'en vérité il n'est pas permis de détester autre chose que le péché, au point que vous ne pouvez détester Satan comme créature de Dieu, mais comme ennemi de Dieu. Si vous ne le savez pas, je vous dirai que c'est une créature de Dieu, et comme tout ce que Dieu a créé est bon et parfait, par conséquent, qui déteste la créature déteste le Créateur. L'amitié est chose remarquable qui ne se trouve pas facilement et se perd facilement. L'ami n'acceptera pas de contradiction en celui qu'il aime suprêmement. Soyez prudent de ne pas choisir un ami qui n'aime pas qui vous aimez. Savez-vous ce qu'un ami signifie? Un ami veut seulement dire un médecin de l'âme. Comme il est rare de trouver un bon médecin qui connaisse les maladies et en appliquer les remèdes, rares sont aussi les amis qui connaissent les fautes et sachent guider dans le bien. Mais ici est un mal, car beaucoup ont des amis qui font semblant de ne pas voir les fautes de leurs amis. Certains leur donnent des excuses, d'autres les défendent sous prétexte terrestre, et les pires ce sont ceux qui invitent et aident à fauter, dont la fin sera semblable à leur bassesse. Prenez garde d'avoir de tels hommes comme amis, car en vérité ce sont des ennemis et des tueurs d'âmes. Que ton ami soit tel, que s'il veut te corriger, qu'il reçoive aussi correction, et s'il veut que tu laisses tout par amour pour Dieu, qu'il accepte aussi que tu le laisses pour le service de Dieu. Dites-moi, si un homme ne sait pas comment aimer Dieu, comment saurait-il aimer? Comment saurait-il aimer les autres s'il ne sait pas comment aimer? C'est sûrement impossible. Quand vous choisirez un homme comme ami, voyez d'abord à ne pas considérer sa belle lignée, ni sa belle famille, ni sa belle maison, ni son bel habit, ni sa belle personne, ni même ses belles paroles, car vous serez facilement déçus. Voyez comme il craint Dieu, comme il méprise les choses terrestres, comme il aime à bien agir, et par-dessus tout, et au-dessus de tout, comment il déteste sa propre chair. Vous trouverez facilement le vrai ami. S'il craint Dieu, s'il méprise les vanités mondaines, s'il est toujours occupé à faire le bien, s'il déteste son propre corps, comme un ennemi cruel. N'aimez pas un tel ami au point que votre amour se fixe sur lui, car vous seriez un idolâtre, mais aimez-le comme un cadeau donné de Dieu, ainsi Dieu le rehaussera de grandes faveurs. Je vous dis en vérité, celui qui a trouvé un vrai ami a trouvé un des délices du paradis, non, c'est la clé du paradis. Maître, dit Thaddée, si un homme a un ami qui n'est peut-être pas comme tu as dit, que devra-t-il faire? Devra-t-il le laisser? Il devra faire comme le marin fait avec le bateau, et voguera tant et aussi longtemps qu'il perçoit l'avantage, mais qu'il le laisse dès qu'il perçoit une perte. Tu feras ainsi avec un ami qui est pire que toi. Dans ces choses pour lesquelles il t'offense, laisse-le si tu ne souhaites pas être laissé par la miséricorde de Dieu. Malheur au monde à cause des outrages. L'outrage est inévitable lorsque le monde tout entier est plongé dans la malveillance. Malheur à cet homme par lequel vient l'outrage, car il lui aurait mieux valu avoir une meule autour du cou pour se noyer dans la profondeur de la mer plutôt que d'outrager son prochain. Si ton œil est pour toi un outrage, arrache-le, car mieux vaut aller au paradis avec un seul œil, qu'au séol avec les deux. Fais ainsi avec ta main ou ton pied s'il t'outrage, car mieux vaut aller au royaume des cieux avec un pied ou une main, que d'aller au séol avec deux mains ou deux pieds. Comment faire Seigneur, dit Simon ne m'efface, car je serai démembré en peu de temps? Séphas, mets la chair de côté et tu trouveras la vérité, que bien que ton œil te renseigne, ton pied aide ton travail et ta main te sert, laisse-les s'ils sont pour toi une occasion de pécher, car mieux vaut que tu ailles au paradis pauvre et ignorant, avec peu de travaux, que d'aller au séol riche et savant, avec de grands travaux. Retire tout ce qui t'empêche de servir Dieu comme on retire tout ce qui empêche de voir. Ayant dit ceci, Jésus appela Séphas près de lui et lui dit. Si ton frère pèche contre toi, va le corriger. S'il se corrige et que tu as gagné ton frère, réjouis-toi. S'il ne se corrige pas, va appeler de nouveaux témoins pour le corriger de nouveau. S'il ne se corrige pas, va le dire à l'église. Et s'il ne se corrige pas, considère-le alors comme un incroyant et n'habite pas sous le même toit que lui. Ne mange pas à la table où il est assis et ne parle pas avec lui. Si tu sais où il met son pied en marchant, n'y mets pas tes pieds. Mais prends garde de te prendre pour meilleur, et dis-toi plutôt. Séphas, si Dieu ne t'aidait de sa miséricorde, tu serais pire que lui. Ainsi, quand tu corrigeras ton frère, dis-toi. Si Dieu ne m'aidait pas, demain je ferais pire que tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Comment devrais-je le corriger? Répondit Séphas. De la façon que tu voudrais être corrigé. Corrige les autres de la même façon que tu voudrais être corrigé. Je te dis en vérité, crois-moi Séphas, chaque fois que tu corrigeras ton frère avec compassion, tu recevras compassion de Dieu et tes paroles porteront fruit. Mais si tu le fais avec rigueur, tu seras puni avec rigueur par la justice de Dieu et ne porteras pas fruit. Dis-moi Séphas, ces pots de terre où les pauvres cuisent leur nourriture, les lavent-ils avec des pierres ou des marteaux en fer peut-être? Sûrement pas, mais plutôt avec de l'eau chaude. Le pot casse sous le fer, le bois brûle sous le feu, car l'homme se corrige avec compassion. Maître, dit Séphas, combien de fois pardonner mon frère? Combien de fois voudrais-tu te faire pardonner de lui? 7 fois par jour, dit Séphas. Pas seulement 7, mais tu lui pardonneras 70 fois 7 fois chaque jour, car qui condamne sera condamné. Qui pardonne sera pardonné. Malheur aux princes parce qu'ils iront au Shéol, dit celui qui écrit. Es-tu devenu fou pour dire ça, Barnabé? Je te dis en vérité, le bain n'est pas aussi indispensable pour le corps, ni le mort pour le cheval, ni la barre pour le navire, que le prince pour l'État. C'est pour cette raison que Dieu donna l'épée à Moshé, à Josué, à Shemuel, à David, à Shlomo, et tant d'autres qui rendent la justice pour déraciner l'injustice. Comment rendre justice en condamnant ou en pardonnant? Dit celui qui écrit. Pas tout le monde n'est un juge, Barnabé. Il appartient au juge seul de condamner les autres. Le juge doit condamner le coupable tout comme le père condamne un membre pourri de son fils à être coupé pour que le corps ne pourrisse pas entièrement. Combien de temps attendre que mon frère se corrige? Dit Céphas. Aussi longtemps que tu voudrais être attendu. Pas tout le monde ne peut comprendre cela, dit Céphas. Parle-nous plus ouvertement. Attends pour ton frère autant que Dieu attend pour lui. Ils ne comprendront pas ça non plus. Attends pour lui tant qu'il a du temps pour se corriger. Céphas s'attrista avec les autres parce qu'ils ne comprenaient pas le sens. Si vous aviez bon entendement, vous sauriez que vous êtes vous-même des pécheurs, et ne penseriez jamais à couper de votre cœur la compassion pour les pécheurs. Je vous dis d'attendre que le pécheur se corrige tant qu'il a le souffle pour respirer entre ses dents, car c'est ainsi que notre Dieu puissant et miséricordieux attend pour lui. Dieu ne dit pas à l'heure où le pécheur jeûnera, fera des prières, fera des aumônes, et ira en pèlerinage, je lui pardonnerai. Nombreux ont fait cela et sont éternellement damnés. Mais il dit, dans l'heure où le pécheur se repentira de ses péchés, pour ma part je ne me souviendrai plus de ses péchés. Comprenez-vous? Nous comprenons une partie, l'autre non, répondirent les disciples. Quelle est la partie que vous ne comprenez pas? Que nombreux ont fait des prières avec des jeûnes et sont damnés. Je vous dis en vérité, les païens et les hypocrites font plus de prières, plus d'aumônes, plus de jeûnes que les amis de Dieu. Mais comme ils ne sont pas capables de se repentir par amour pour Dieu, aussi ils sont damnés car ils n'ont pas la foi. Par amour pour Dieu, dit Jean, enseigne-nous la foi. Il est temps pour nous de dire la prière au lever du soleil. Ils se levèrent et se lavèrent puis ils firent la prière à notre Dieu béni pour toujours. La prière faite, ses disciples revinrent près de Jésus qui leur dit « Approche Jean ». Car aujourd'hui je te dirai tout sur ce que tu as demandé. La foi est un sceau avec lequel Dieu marque son élite, sceau qu'il a donné à son envoyé, Saint-Esprit, entre les mains duquel celui qui est élu reçoit la foi. La foi est unique comme Dieu est unique. Ayant créé son envoyé avant toute chose et rien d'autre, Dieu lui donna la foi qui est semblable à Dieu de tout ce que Dieu dit et fait. Par la foi le croyant voit toute chose mieux que celui qui voit de ses yeux, car les yeux peuvent tromper, non, ils trompent presque toujours, mais la foi qui pour fondement a la parole de Dieu ne se trompe jamais. Croyez-moi que tous les élus de Dieu sont sauvés par la foi. Sans la foi il est impossible pour quiconque en vérité de plaire à Dieu. Par conséquent, Satan ne cherche pas à annuler les jeûnes, les prières ou les aumônes ou les pèlerinages, non, il encourage les 100 fois pour le plaisir de voir l'homme travailler sans recevoir de salaire. Aussi, prenez garde à ne pas diminuer la foi. La foi doit être gardée avec précaution, et le plus sûr moyen est de délaisser le pourquoi, vu que ce pourquoi a conduit les humains hors du paradis et a changé Satan, un très merveilleux ange, en horrible démon. Comment renoncerons-nous au pourquoi si c'est la porte du savoir? Dit Jean. Nay. Le pourquoi est la porte du Shéol. Jean garda silence. Jésus ajouta : Quand tu sais ce que Dieu a dit, qui es-tu humain pour dire ? Pourquoi dis-tu cela, Dieu ? Pourquoi fais-tu cela ? Le pot de terre dit-il à son fabricant : Pourquoi me fais-tu pour porter de l'eau et non de la myrrhe ? Je vous dis en vérité, fortifiez-vous contre toute tentation par ces mots. Dieu dit ainsi, Dieu fait ainsi, Dieu veut ainsi. En faisant comme cela, tu vivras en sûreté. Dans cette même période, il y eut un grand tumulte à travers Juda concernant Jésus. Par une manœuvre de Satan, l'armée romaine troublait les Hébreux en leur disant que Jésus était un dieu venu les visiter. Dans la nuit du 40e jour, une grande sédition se souleva et tout Juda fut aux armes. Le fils était contre le père et frère contre frère, car certains dirent que Jésus était un dieu venu dans le monde, d'autres qu'il était fils d'un dieu, et d'autres que Dieu n'avait aucune similitude humaine et n'engendrait pas de fils, mais que Jésus de Nazareth était un prophète de Dieu. Cela survint en raison des grands miracles qui se faisaient par Jésus. Pour calmer le peuple, il fallut que le grand Cohen fasse une procession, revêtu de l'habit des grands Cohanim, avec le saint nom de Dieu sur son front, et chevauche de cette manière avec le gouverneur Pilate et Hérode. Trois armées, chacune de 200 000 hommes portant l'épée, se rassemblèrent à Mitzpah. Hérode parla d'abord au peuple, puis le gouverneur, mais ils ne se calmèrent pas. Et le grand Cohen leur dit : Frères, cette guerre s'est levée par un piège de Satan. Jésus est vivant et nous devons recourir à lui pour demander de rendre témoignage de lui-même et croire selon sa parole. Alors ils se calmèrent. Chacun déposa son arme et tous s'embrassèrent en disant l'un à l'autre : Pardonne-moi, frère. Ce jour-là, chacun eut cœur de croire à ce que Jésus dirait. Le gouverneur et le grand Cohen avaient offert des récompenses pour qui viendrait dire où Jésus se trouvait. Sur la parole du Saint-Ange, à cette période, nous les disciples étions allés avec Jésus au mont Sinaï et y sommes restés 40 jours. Une fois passé, alors que Jésus était près de la rivière du Jourdain pour aller à Jérusalem, il fut aperçu par un de ceux qui croyaient que Jésus était un dieu. Celui-ci cria très fort : Notre dit-il du vien, jusqu'à ce qu'il atteigne la ville et remue toute la ville en disant : Prépare-toi à le recevoir Jérusalem. Il déclara avoir vu Jésus près du Jourdain et tout le monde, petit et grand, sortir précipitamment de la ville pour voir Jésus au point que la ville sainte fut laissée déserte, et les femmes qui portaient leurs enfants dans leurs bras oublièrent de prendre à manger. Voyant cela, le gouverneur et le grand Cohen partirent à cheval et envoyèrent un messager vers Hérode qui partit de la même manière trouver Jésus, qu'ainsi la sédition du peuple puisse être calmée. Ils le cherchèrent dans le désert près du Jourdain pendant 2 jours et le trouvèrent le 3e jour vers midi. Jésus était en train de se purifier avant de faire la prière conformément au livre de Mosché. Grandement étonné de voir la terre couverte de la multitude de gens, il dit à ses disciples : Peut-être que Satan a provoqué une sédition dans Juda. Dieu veuille ôter la domination que Satan a sur les pécheurs. Quand la foule se rapprocha et qu'ils le reconnurent, ils se mirent à crier : Bienvenue à toi, notre dit-il du. Ils se mirent à faire des révérences comme à un dieu. Jésus poussa un grand grognement et dit : Écartez-vous de moi, insensés, je crains que la terre s'ouvre et me dévore avec vous à cause de vos paroles méprisantes. Rempli d'effroi, le peuple se mit à gémir. Jésus leva sa main en signe de silence et dit : Israélites, Vraiment, vous avez fait une grave erreur en appelant Dieu un homme comme moi. Et à cause de cela, je crains que notre Dieu envoie un lourd fléau sur la ville sainte et la livre à la servitude des étrangers. Mille fois maudit est Satan qui vous a provoqué en cela. Jésus se frappa la poitrine de ses deux mains et il s'éleva un tel brouhaha de pleurs que personne ne put entendre ce qu'il dit. Jésus leva de nouveau sa main en signe de silence. Et quand le peuple calma leurs pleurs, il dit : Je déclare devant le ciel, et prenant à témoin tous ceux qui habitent sur la terre, que je suis étranger à tout ce que vous avez dit. Je suis un humain né d'une mortelle, exposé au jugement de Dieu, subissant les misères du froid et de la chaleur, de la nourriture et du sommeil comme les autres hommes. Quand Dieu viendra juger, mes paroles perceront comme une épée toute personne qui me croit plus qu'humain. Quand il eut dit cela, il aperçut une grande multitude de cavaliers, et voyant venir le gouverneur, avec Hérode et le grand Cohen, il dit : Peut-être sont-ils devenus insensés eux aussi. À l'arrivée du gouverneur, avec Hérode et le Cohen, chacun descendit de cheval et les soldats encerclèrent Jésus afin de retenir le peuple désireux d'entendre Jésus parler au Cohen. Avec respect, Jésus s'approcha du Cohen, qui voulut se prosterner pour vénérer Jésus, mais Jésus cria : Cohen du Dieu vivant, prends garde à ce que tu fais, ne faute pas contre notre Dieu. Aujourd'hui Judas est si agité par tes signes et ton enseignement, qu'il te déclare être un des tildus, répondit le Cohen. Je suis forcé par le peuple de venir ici avec le roi romain Hérode, et le gouverneur, pour te prier avec notre cœur de vouloir arrêter la sédition qui s'est levée à ton sujet. Car certains disent que tu es une divinité, d'autres disent que tu es fils d'une divinité, et d'autres que tu es prophète. Les prophéties ont-elles passé dans l'oubli avec les lois de Dieu ? Misérable Judas trompé par Satan. Et toi, grand Cohen de Dieu, as-tu aussi perdu la tête pour n'avoir pas calmé cette sédition ? Je déclare devant le ciel, en prenant à témoin tous ceux qui habitent sur la terre, que je suis étranger à tout ce que les hommes ont dit sur moi et que je suis plus qu'humain. Je suis un homme né d'une mortelle, exposé au jugement de Dieu, subissant les misères de chaque jour comme les autres hommes. Comme Dieu vit, en présence duquel se tient mon âme, plaise à Dieu qu'une grande vengeance ne vienne sur la ville sainte pour ce péché. Prie pour nous et que Dieu nous pardonne, dit le Cohen. Sire, dirent Hérode et le gouverneur, nous ne comprenons pas ce que tu dis, il est impossible qu'un homme fasse ce que tu fais. Ce que vous dites est vrai. Seul Dieu fait le bien en l'homme, et Satan le mal, comme dans une boutique où il entre avec l'accord de l'homme pour travailler à vendre. Vous, gouverneur et roi, dites ceci car vous êtes étrangers à notre loi. Mais si vous lisiez le témoignage de l'alliance de notre Dieu, vous verriez qu'avec un bâton Moshe transforma l'eau en sang, la poussière en poux, la rosée en tempête, la lumière en ténèbres. Il fit venir des grenouilles et des souris pour couvrir la terre d'Égypte, il tua les premiers-nés, ouvrit la mer où Pharaon se noya. Chose que je n'ai pas faite. Et de Moshe, tous disent qu'à présent il est mort. Josué ouvrit le Jourdain et fit immobiliser le soleil. Ce que je n'ai pas encore fait. Et de Josué, tous disent qu'à présent il est mort. Élie fit descendre le feu et la pluie du ciel à vue de tous. Ce que je n'ai pas fait. Et d'Élie, tous disent qu'à présent il est mort. Par le pouvoir de Dieu, de nombreux autres prophètes, de saints hommes et amis de Dieu ont fait des choses qui ne peuvent être comprises en pensée par ceux qui ne connaissent pas notre Dieu tout-puissant et miséricordieux, béni à jamais. Roi, gouverneur et Cohen prièrent Jésus de calmer le peuple. Il devait monter sur une hauteur et parler aux gens. Jésus monta sur une des 12 pierres que Josué ordonna aux 12 tribus de prendre du milieu du Jourdain, quand tout Israël traversa à pied sec. Que notre Cohen monte sur une hauteur et qu'il confirme mes paroles. Le Cohen se mit en hauteur et Jésus lui parla distinctement, afin que tous puissent entendre. Il est écrit dans le témoignage de l'alliance de notre Dieu vivant que notre Dieu n'a aucune jeunesse et n'aura jamais de fin. Il est écrit, dit le Cohen. Il est écrit que notre Dieu a créé toutes choses par sa seule parole. Il est écrit, dit le Cohen. Il est écrit que Dieu est invisible et caché à l'intelligence humaine, il est incorporel, indivisible et immuable. Il est vrai, dit le Cohen. Il est écrit que le ciel des cieux ne peut le contenir parce que notre Dieu est infini. C'est le prophète Shlomo qui le dit, dit le Cohen. Il est écrit que Dieu n'a aucun besoin puisqu'il ne mange, ni ne dort, et n'a aucun manque. Il est écrit, dit le Cohen. Il est écrit que notre Dieu est n'importe où, qu'il n'y a personne d'autre que lui qui brise et remet entièrement car il fait tout comme il lui plaît. Il est écrit, dit le Cohen. Ayant élevé ses mains, Jésus dit : Seigneur notre Dieu, c'est ma foi avec laquelle je viendrai à ton jugement témoigner contre qui croit le contraire. Repentez-vous, dit-il au peuple, car vous pouvez maintenant voir votre péché parce que le Cohen a dit comme il est écrit au livre de Moshe, de l'Alliance éternelle de Dieu. Je suis visible comme un homme, un tas de boue qui marche sur terre, mortel comme les autres hommes, j'ai eu un commencement et aurai une fin, et je ne peux créer une mouche. Les gens élevèrent leur voix et dirent en pleurant. Nous avons péché contre toi Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous, tous et chacun d'eux supplièrent Jésus de prier pour la sécurité de la ville sainte, que notre Dieu dans sa colère ne la donne pas à piétiner par les nations. Jésus leva ses mains et pria pour la ville sainte et le peuple de Dieu. Et chacun dit en pleurant. Qu'il soit ainsi, Amen. La prière terminée, le Cohen dit à haute voix. Reste Jésus, car nous voulons savoir qui tu es pour la tranquillité de notre nation. Je suis Jésus, fils de Marie, de la semence de David, un homme mortel qui craint Dieu. Je ne cherche qu'à restituer l'honneur et la gloire à Dieu. Il est écrit dans le livre de Moshe que notre Dieu doit nous envoyer le Messie pour venir nous annoncer la volonté de Dieu, dit le Cohen, et apporter aux nations le salut de Dieu. Je te prie de nous dire la vérité. Es-tu le Messie de Dieu que nous attendons? En vérité, c'est ce que Dieu a promis. Par tes paroles et signes, dit le Cohen, dans tous les cas nous croyons que tu es un prophète et saint de Dieu. Je te prie au nom de tout Israël et Juda de nous dire pour l'amour de Dieu, de quelle façon viendra le Messie? Quand Dieu me prendra de ce monde, Satan soulèvera cette sédition en me faisant passer pour un détil dû aux yeux des impies, au point que mes paroles d'enseignement seront si polluées qu'il ne restera que 30 croyants. Parole de Jean le baptiseur, comme dans Jean 1.19, Marc 1.3, Luc 1.76, et Matthieu 3.3. Je suis indigne de délier ces sandales, j'ai reçu grâce et miséricorde de Dieu en le voyant. Ma consolation est dans la venue du messager qui détruira toute fausse opinion de moi. Et sa foi se répandra et se tiendra dans le monde entier comme Dieu a promis à notre père Abraham. Et ce qui me console c'est que sa foi n'aura pas de fin et sera gardée inviolable par Dieu. Dieu aura miséricorde sur le monde et enverra son messager, pour qui il a fait toutes choses, qui viendra avec puissance, et détruira les idoles avec les idolâtres, qui viendra retirer la domination que Satan a sur les hommes. Il apportera avec lui la miséricorde de Dieu pour le salut de ceux qui croiront en lui, et béni sera celui qui croira en ses paroles. Le gouverneur, le roi et le Cohen répondirent. N'aie crainte, Jésus, Saint de Dieu. Cette sédition ne sera plus dans notre temps, car nous allons écrire au Sénat romain de façon que personne ne t'appelle plus ni Dieu, ni fils d'un Dieu, par décret impérial. Je ne suis pas apaisé par vos paroles, car les ténèbres viendront d'où vous espérez la lumière. D'autres prophètes viendront-ils après la venue de l'envoyé de Dieu ? Dit le Cohen. Dieu n'enverra aucun vrai prophète pour venir après moi, mais un grand nombre de faux prophètes. Cela me peine, car Satan les soulèvera par un juste jugement de Dieu, et ils se cacheront sous le prétexte de mon séfer. Comment serait-ce un juste jugement de Dieu que de tels impies viennent ? Dit Hérode. Qui ne croit pas à la vérité de son salut croit que sa damnation est un mensonge. Car les mondains ont toujours détesté les vrais prophètes et aimé les faux, comme au temps de Micha et de Jérémia. Car toute semblance aime sa semblance. Comment le Messie sera-t-il appelé, et quel est le signe qui révélera sa venue ? Dit le Cohen. Son nom est merveilleux. Dieu lui-même le nomma ainsi quand il créa son âme et le plaça dans la splendeur céleste. Et Dieu lui dit, « Attends. Je vais créer le paradis, le monde et une grande multitude de créatures pour ta cause, dont je te fais présent, quand je t'enverrai dans le monde, car je t'enverrai comme messager de mon salut. Ta parole sera si véritable que le ciel et la terre failliront mais ta foi ne faillira jamais. Qui te bénira sera béni, qui te maudira sera maudit. Béni est son nom digne de louange. Dieu digne de louange, envoie-nous vite ton messager pour venir sauver le monde, dirent les gens. La multitude partit alors avec Hérode. Le gouverneur et le grand Cohen eurent une discorde concernant Jésus et son enseignement. Le Cohen pria le gouverneur d'écrire toute l'affaire au Sénat de Rome, chose que le gouverneur fit. Le Sénat eut de la compassion pour Israël et décréta sous peine de mort que personne n'appelle Dieu ou fils d'un Dieu, Jésus le Naziréen, prophète des Juifs, et ce décret fut gravé sur cuivre et placé dans le temple. Une grande partie de la multitude partit, il restait 5000 hommes environ, à part les femmes et les enfants. Fatigués par le voyagement et restés 2 jours sans pain, parce qu'ils avaient oublié d'en apporter sous l'empressement de voir Jésus, ne mangeant que des herbes fraîches. Ils n'étaient pas en état de repartir comme les autres. Lorsque Jésus s'en aperçut, il eut pitié d'eux et dit à Philippe, « Où trouverons-nous pour eux du pain pour ne pas mourir de faim ?»« Seigneur, répondit Philippe, 200 pièces d'or ne suffiront pas pour acheter assez de pain pour que chacun en goûte un peu. Il y a ici un enfant qui a 5 pains et 2 poissons, dit Adrié, mais qu'est-ce pour autant ? Faites asseoir la multitude, dit Jésus. Quand il fut assis sur l'herbe 50 par 50, Jésus dit, dans le nom de Dieu. Il prit le pain et prit à Dieu. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples, et les disciples le donnèrent à la foule. Ils firent ainsi avec les poissons, et tous mangèrent et furent satisfaits. Rassemblez ce qui reste. Les disciples remplirent 12 corbeilles pleines des morceaux restants. Et tous se frottaient les yeux de leurs mains en se disant, « Suis-je réveillé ou je rêve ?» Chacun d'entre eux resta l'espace d'une heure comme à côté de soi en raison de ce grand miracle. Jésus les renvoya après avoir remercié Dieu. Il y avait 72 hommes qui ne voulaient pas se séparer de lui, Jésus perçut leur foi et les choisit comme disciples. S'étant retiré près du Jourdain, Dans une partie creuse du désert de Tyropée, Jésus appela les 12 avec les 72. Assis sur une pierre, il les fit asseoir près de lui et dit dans un soupir : En ce jour nous avons vu un grand mal en Juda et Israël, et mon cœur tremble dans ma poitrine dans la crainte de Dieu. Je vous dis en vérité, Dieu aime Israël comme un amoureux jaloux de son honneur. Comme un jeune aime une femme qui en aime un autre et ne l'aime pas, il sera saisi d'indignation jusqu'à tuer son rival. Je vous dis, Dieu agit ainsi lorsqu'Israël aime autre chose à en oublier Dieu. Dieu réduira cette chose à néant, car il n'y a rien sur terre de plus cher à Dieu que le sacerdoce et le Saint-Temple. Dans le temps du prophète Jérémie, le peuple oublia Dieu, ne se vantant que du temple, qu'il n'y en avait pas de pareil dans le monde entier. Alors dans sa colère Dieu souleva Nabuchadnézzar le roi de Babylone et lui fit prendre la ville sainte par son armée, ils la brûlèrent avec le Saint-Temple, au point que les choses saintes que les prophètes de Dieu n'osaient pas même toucher furent foulées sous les pieds des infidèles par méchanceté. Abraham aima son fils plus qu'il est juste, alors Dieu lui ordonna de tuer son fils, afin de tuer le mauvais penchant du cœur d'Abraham. Il l'aurait fait si le couteau avait tranché. David aima très fortement Absalom, alors Dieu fit que le fils se rebelle contre son père et soit pendu par les cheveux, pour être tué par Joab. Quel effrayant jugement de Dieu sur Absalom, qui aimait sa chevelure plus que tout, elle devint une corde avec quoi il se pendit. L'innocent Job aima de trop près ses 7 fils et 3 filles, alors Dieu le donna sous la main de Satan. Non seulement il le priva de ses fils et de ses richesses en un jour, mais il le frappa de graves maladies au point que les vers sortaient de sa chair pendant 7 ans consécutifs. Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils, alors Dieu fit qu'il soit vendu par les mêmes fils qui trompèrent Jacob, au point qu'il resta dans le deuil pendant 10 ans après lui avoir fait croire que les bêtes l'avaient dévoré. Comme Dieu vit, frère, je crains que la colère de Dieu soit contre moi. Vous devez aller à travers Juda et Israël pour dire la vérité aux 12 tribus d'Israël et qu'ils se détrompent. Nous ferons tout ce que tu nous diras, répondirent les disciples dans la crainte. Faisons pendant 3 jours des prières, et jeûnons maintenant chaque soir dès que la première étoile paraîtra. Après la prière faite à Dieu, faisons-la encore 3 fois pour lui demander miséricorde, car le péché d'Israël est 3 fois plus grave que les autres péchés. Qu'il en soit ainsi, dirent les disciples. Quand le 3e jour fut passé, le matin du 4e jour, Jésus appela tous les apôtres et les disciples et dit : Il suffit que Barnabé et Jean restent avec moi, pour les autres, allez dire de faire pénitence à travers tout Juda et Israël, et aux régions de Samarie, car la hache est posée près de l'arbre à abattre. Priez pour les malades, car Dieu m'a donné autorité sur toutes les maladies. Maître, dit celui qui écrit, si tes disciples se font demander comment faire pénitence, que répondre? Quand un homme perd un porte-monnaie, tourne-t-il seulement son œil pour voir ou sa main pour prendre ou sa langue pour demander? Sûrement pas, mais il se tourne de tout son corps et emploie toute la force de son âme pour le retrouver, est-ce vrai? C'est bien vrai, répondit celui qui écrit. La pénitence est le contraire de la mauvaise vie. Chaque perception doit être tournée dans le sens contraire de ce qu'elle a fait en péchant, on devra s'endeuiller au lieu de s'amuser, jeûner au lieu de fêter, veiller au lieu de dormir, agir au lieu de rien faire, être chaste au lieu de convoiter, prier au lieu de raconter des histoires, et l'aumône au lieu de l'avarice. S'ils se font demander comment faire pour s'endeuiller, pleurer, jeûner, agir, être chaste, prier, et l'aumône, qu'allons-nous donner comme réponse? Comment feront-ils correctement pénitence s'ils ne savent pas comment se repentir? Dit celui qui écrit. Tu as bien demandé Barnabé, et je souhaite répondre entièrement comme il plaît à Dieu. Dès aujourd'hui je te parlerai de la pénitence en général, et ce que je dis à l'un, je le dis à tous. La pénitence doit se faire plus que toute autre chose purement par amour pour Dieu, autrement il serait vain de se repentir. Je vais vous parler par comparaison. Est-ce vrai que toute maison tombe en ruine, si son fondement est enlevé? C'est vrai, dirent les disciples. Le fondement de notre salut est en Dieu. En dehors de lui il n'y a aucun salut. Un homme qui pêche perd le fondement de son salut, aussi il doit commencer au fondement. Si vos esclaves vous avaient offensé, sachant qu'ils n'ont aucun regret de vous avoir offensé mais seulement d'avoir perdu leur salaire, leur pardonneriez-vous, dites-moi? Sûrement pas. Je vous dis que Dieu fera ainsi à ceux qui regrettent seulement d'avoir perdu le paradis. L'ennemi du bien, Satan, regrette grandement d'avoir perdu le paradis et gagné le Shéol, mais jamais il ne trouvera grâce. Savez-vous pourquoi? Je vous dis en vérité, Satan n'a aucun amour pour Dieu, il déteste son Créateur. Même les animaux gênent selon leur nature d'avoir perdu un bien qu'ils désirent. Pour être vraiment pénitent, le pécheur doit avoir grand désir de punir en lui ce qu'il a fait de contraire à son Créateur, de sorte que lorsqu'il prie, il n'ose pas aspirer au paradis de Dieu ou d'être libéré du Shéol, mais il se prosterne devant Dieu dans un état d'embarras, disant dans sa prière. Seigneur, voici le coupable qui t'a offensé sans raison au moment où il devait être à ton service. Il cherche ici à être puni par ta main pour ce qu'il a fait, non par la main de ton ennemi Satan, afin que les incroyants ne se réjouissent pas sur tes créatures. Châtie et punis comme il te plaît, Seigneur, car tu ne me donneras jamais autant de tourments que ce mal mérite. Le pécheur qui conserve cette attitude trouvera plus grâce envers Dieu que celui qui brave sa justice. Sûrement abject sacrilège est le rire du pécheur dans ce monde, ce que David appelle une vallée de larmes à juste titre. Un roi adopta un de ses esclaves comme fils et le fit seigneur sur tout ce qu'il avait, mais il arriva que par la tromperie d'un méchant homme, le misérable tomba en défaveur du roi. Il souffrit ensuite de grandes misères, méprisé et privé de sa seule subsistance et du gain du travail de chaque jour. Pensez-vous qu'un tel homme rirait en tout temps? Sûrement pas, répondirent les disciples. Et si le roi l'apprenait, il le ferait tuer pour rire de la colère du roi. Il est plus probable qu'il en pleure jour et nuit. Malheur au monde qui s'assure d'un tourment éternel, misérable humain que Dieu avait choisi comme fils en t'accordant le paradis, toi misérable qui es tombé en défaveur de Dieu et jeté hors du paradis à cause d'un piège de Satan. Tu t'es condamné au monde impur où tu obtiens tout avec effort, où tout bon travail est pris de toi qui continue à fauter, et le monde en rit simplement, dit Jésus en larmes, et pire encore, le plus grand pécheur en rit plus que le reste. Ce sera comme vous avez dit, Dieu donnera la sentence de mort éternelle au pécheur, qui ne pleure pas ses péchés mais en rit. Les pleurs du pécheur doivent être comme un père, pleure son fils à l'agonie. Quelle folie de l'homme qui pleure le corps que l'âme a quitté, mais ne pleure pas l'âme que la compassion de Dieu a quitté à cause du péché. Dites-moi, si en pleurant le marin, pouvait récupérer tout ce qu'il a perdu de son bateau, détruit par une tempête, le ferait-il? Il pleurerait sûrement amèrement. Je vous dis en vérité, un homme pêche pour tout ce qu'il pleure autre que pour son péché. Chaque misère qui arrive à l'homme vient de Dieu pour son salut, il devrait s'en réjouir. Chaque péché qui arrive à l'homme vient du démon pour sa damnation, il ne s'en attriste pas. Vous pouvez sûrement voir ici que l'homme cherche sa perte et non son bénéfice. Seigneur, dit Barthélemy, que doit faire celui qui ne peut pleurer, son cœur étant étranger aux larmes? Pas tous ceux qui versent des larmes pleurent, Barthélemy. Comme Dieu vit, il est trouvé des hommes dont les yeux n'ont jamais versé une larme et qui ont pleuré mille fois plus que ceux qui ont versé des larmes. Les larmes du pécheur consumant l'affection terrestre par un intense chagrin. Cette consommation préserve l'âme du péché comme le soleil préserve de la pourriture ce qui est placé en haut, aussi. Si Dieu accordait aux vrais pénitents des larmes aussi nombreuses que la mer a d'eau, il en désirerait encore plus. Son désir consume cette petite larme, qu'il verse comme une fournaise brûlante consume une goutte d'eau. Mais ceux qui éclatent facilement en larmes sont comme le cheval qui va plus vite plus il est légèrement chargé. En vérité, il y a des hommes qui ont à la fois l'amour intérieur et les larmes extérieures. Qui est ainsi est un Jérémia. Des pleurs, Dieu a plus en estime le chagrin que les larmes. Maître, dit Jean, comment l'homme se perd-il en pleurant pour autre chose que le péché? Si Hérode te donnait un manteau à garder et te le reprenait ensuite, aurais-tu raison de pleurer? Non, dit Jean. Dieu peut ainsi disposer à sa guise de ses propres choses. Homme insensé qui n'a que le péché pour toi seul, tu devrais pleurer pour ça et pour rien autre. L'homme a encore moins raison de pleurer quand il perd quelque chose, ou quand il n'a pas ce qu'il voudrait. Car tout vient de la main de Dieu. Ô maître, dit Matthée, tu as déclaré devant tout Judas que Dieu n'a aucune similitude à l'homme. Mais maintenant tu dis que l'homme reçoit de la main de Dieu. Si Dieu a des mains, ainsi il a une similitude humaine. Tu es dans l'erreur, ô Matthée, et beaucoup ont fait erreur en ne sachant pas la portée des mots. L'homme ne doit pas considérer la forme, mais la portée des mots, car la langue humaine n'est qu'un interprète entre Dieu et nous. Ne savez-vous pas ce que les pères ont dit quand Dieu voulut leur parler sur le mont Sinaï? Parle-nous Moshé, mais ne laisse pas Dieu nous parler de peur de mourir. Le prophète Ésaïe dit de Dieu. Aussi éloigné qu'est le ciel de la terre, sont les voix de Dieu des voix humaines et les pensées de Dieu des pensées humaines. Dieu est si incommensurable que je tremble de le décrire. Mais comme il est nécessaire de vous faire une idée, je vous dis que les cieux sont neufs, et éloignés l'un de l'autre comme le premier ciel est éloigné de la terre de 500 années voyage terrestre. La terre est éloignée de 4500 années voyage du plus haut ciel, par conséquent je vous dis, c'est comme un point d'aiguille par rapport au premier ciel. De même manière, le premier ciel par rapport au deuxième est comme un point, pareillement tous les cieux inférieurs, chacun vis-à-vis du prochain. Toute la grandeur de la terre, avec celle de tous les cieux, sont comme un point par rapport au paradis, non, un grain de sable. Cette grandeur n'est-elle pas incommensurable? Sûrement, répondirent les disciples. Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, face à Dieu l'univers est aussi petit qu'un grain de sable. Dieu est plusieurs fois plus grand qu'il faudrait prendre autant de grains de sable pour remplir tous les cieux et le paradis et plus. Considérez si maintenant Dieu a quelque rapport avec l'homme, ce petit tas de boue qui se tient sur la terre. Portez attention à la portée des mots, non à la lettre, si vous souhaitez avoir la vie éternelle. Dieu seul peut se faire connaître, répondirent les disciples, car il est vraiment caché à la perception humaine comme a dit le prophète Ésaïe. C'est la vérité. Nous connaîtrons Dieu que lorsque nous serons au paradis, comme ici on connaît la mer par une goutte d'eau salée. Pour revenir à mon enseignement, je vous dis qu'on doit pleurer pour un péché seulement, car en péchant l'homme quitte son Créateur. Comment pleurera celui qui participe aux fêtes et aux festins? Il pleurera au point que la glace donne du feu. Vous devez changer vos fêtes en jeûne si vous voulez avoir autorité sur votre perception, car ainsi même notre Dieu a autorité. Dieu a-t-il aussi une perception sur laquelle avoir autorité? Dit Adé. Vous recommencez à dire. Dieu a ci, Dieu est ça. L'homme a-t-il une perception? Dites-moi. Oui, répondirent les disciples. Peut-on trouver un homme qui a vie en lui dont la perception ne fonctionne pas? Non, dirent les disciples. Vous vous trompez. Où est la perception de celui qui est aveugle, sourd, muet, ou mutilé? Ou quand un homme est dans un coma? Les disciples furent perplexes et Jésus dit. Trois choses font l'humain. L'âme, le corps, et la perception, chacun séparé en soi. Notre Dieu créa l'âme et le corps comme vous avez entendu, mais vous n'avez pas encore entendu comment il créa la perception. Demain, plaise à Dieu que je vous le dise. Jésus remercia Dieu et pria pour le salut de notre peuple. Et chacun de nous dit Amen. Jésus finit la prière du lever du jour puis il s'assit sous un palmier et ses disciples se rapprochèrent. Beaucoup se trompent sur notre vie. Comme Dieu vit, en présence duquel se tient mon âme, l'âme et la perception sont jointes si près ensemble qu'une grande part des hommes disent que l'âme et la perception sont une seule et même chose, se divisant par opération, non par essence, désignant l'âme de sensible, végétative et intellectuelle. Je vous dis en vérité, l'âme est un, pensée vie. Où les insensés trouveraient-ils l'âme intellectuelle sans la vie? Sûrement jamais. La vie sans la perception sera vite trouvée comme il est vu chez l'inconscient que la perception a quitté. Maître, dit Thaddée, un homme n'a pas de vie quand la perception quitte la vie. Ce n'est pas vrai. Un homme est privé de vie quand son âme quitte. Car l'âme ne revient plus au corps sauf par miracle. Mais la perception quitte à travers un grand chagrin que l'âme a, ou à travers une peur qu'elle perçoit. Car Dieu a créé la perception pour le plaisir, et elle vit seulement de cela, comme le corps vit de nourriture et l'âme vit de connaissance et d'amour. À présent, la perception se rebelle contre l'âme, car elle est indignée d'avoir été privée du plaisir du paradis à travers le péché. Il est donc nécessaire de nourrir l'âme de plaisir spirituel, pour celui qui ne veut pas vivre de plaisir charnel. Comprenez-vous? En vérité, je vous dis que Dieu, ayant créé la perception, la condamna au Shéol et à d'intolérables neige et glace, parce qu'elle a dit qu'elle était Dieu, mais dès qu'il la priva de nourriture, retirant d'elle sa nourriture, elle déclara être un esclave de Dieu et le travail de ses mains. Et maintenant, dites-moi comment la perception travaille-t-elle chez les incroyants? Sûrement comme si c'est Dieu en eux, vu qu'ils abandonnent la raison et la loi de Dieu pour suivre la perception. Aussi ils sont devenus abominables et ne font aucun bien. Le jeûne est la première chose qui suit un péché qu'on regrette. Celui qui voit qu'une certaine nourriture le rend malade et pour cela craint la mort, regrette d'avoir mangé et s'en détourne pour ne plus se rendre malade. Le pécheur doit faire cela en percevant que ce plaisir l'a fait pécher contre son Créateur Dieu à suivre la perception de ces choses du monde. Qu'il s'attriste de ce qu'il a fait vu que cela prive sa vie de Dieu et lui donne la mort éternelle du Shéol. Parce que l'homme tant qu'il vit a besoin de prendre ces bonnes choses du monde, ici le jeûne est nécessaire. Qu'il commence à mortifier la perception et à reconnaître Dieu comme son Seigneur. Et quand il voit que la perception se répugne à jeûner, qu'il mette devant lui la condition du Shéol où n'existe aucun plaisir, mais que chagrin à l'infini, les délices du paradis. Si grand qu'un grain d'un délice du paradis est plus grand que tous ceux du monde, elle va se tranquilliser ainsi. Mieux vaut se contenter de peu pour recevoir beaucoup, qu'être un peu débridé puis privé de tout, étant dans le tourment. Pour faire en sorte de bien jeûner, rappelez-vous du riche fêtard éternellement privé d'une seule goutte d'eau, puisqu'il passait chaque jour sur terre dans les délices, et des Lazare qui vit éternellement dans l'abondance des délices du paradis, puisqu'il s'était contenté sur terre de miettes. Le pénitent devra être prudent, car Satan cherche à annuler tout effort au bien, particulièrement du pénitent, que des autres puisque le pénitent se détourne de lui, du fidèle esclave qu'il était, en opposant un soumis. Satan cherchera qu'il ne jeûne en aucune façon, sous prétexte de maladie. Si cela ne prévaut pas, il l'invitera à un jeûne extrême, pour qu'il tombe malade puis revive de délices. Si cela ne prévaut pas, il cherchera à placer son jeûne que dans la nourriture et qu'il devienne comme lui qui ne mange pas, mais faute toujours. Comme Dieu vit, il est abominable de priver le corps de nourriture et remplir son âme d'arrogance et de mépris envers ceux qui ne jeûnent pas et s'estiment meilleurs qu'eux. Le malade se vanterait-il du jeûne que lui impose le médecin, ou traitera-t-il d'insensés ceux qui ne sont pas à jeun, dites-moi? Sûrement pas, car il sera triste d'être à jeun en raison de maladie. Je vous dis, le pénitent ne doit pas se vanter de son jeûne, ni mépriser ceux qui ne jeûnent pas, mais il doit s'attrister du péché pour lequel il jeûne. Le pénitent ne se procurera pas de repas délicieux, mais se contentera d'une alimentation rudimentaire. Un homme donnerait-il au chien qui mord ou au cheval qui rue un délicieux repas? Sûrement pas, plutôt le contraire. Que cela vous suffise concernant le jeûne. Écoutez ce que je vous dis sur comment veiller. Il y a seulement deux sortes de sommeil, celui du corps et celui de l'âme. Prenez donc garde que l'âme dorme durant une veille, cela serait une grave erreur. En parabole, il y avait un homme qui se cogna en marchant sur une pierre, et pour s'empêcher de se cogner encore le pied, il se cogna la tête. Dans quel état est un tel homme, dites-moi? Quel état misérable, cet homme est désespéré, répondirent les disciples. Vous avez bien dit. Je vous dis en vérité, celui qui veille avec le corps et l'âme endormie est désespéré. Car l'infirmité de l'âme est plus lourde que celle du corps, donc plus difficile à guérir. Tel l'insensé qui se vante de ne pas dormir avec le corps, le pied de la vie. Mais il ne perçoit pas sa misère lorsque son âme dort, la tête de la vie. Car le sommeil de l'âme oublie Dieu et son effroyable jugement. L'âme qui veille perçoit que Dieu est en toutes choses et en tous lieux, et remercie sa majesté en toutes choses, par toutes choses et au-dessus de toutes choses, sachant qu'elle reçoit grâce et compassion de Dieu à tout instant. Par crainte de sa majesté, ce message angélique, qui réside toujours habituellement au service de Dieu, se fait toujours entendre dans son oreille. Venez au jugement créature, car votre Créateur veut vous juger. Dites-moi, que désirez-vous plus, voir à la lumière d'une étoile ou la lumière du soleil? La lumière du soleil, répondit Adrié. Car nous ne pouvons voir les montagnes voisines à la lumière d'étoiles, mais nous voyons le plus petit grain de sable à la lumière du soleil. Nous marchons dans la peur à la lumière d'étoiles, mais en toute sécurité à la lumière du soleil. Ainsi aussi je vous dis, votre âme doit veiller avec le soleil de justice de notre Dieu, et non se vanter des veilles du corps. Il est certain que le sommeil du corps doit être évité autant que possible. Le corps et la perception ensemble alourdis par la nourriture et la pensée aux affaires, c'est impossible. Qui souhaite dormir peut doit renoncer à beaucoup de nourriture et beaucoup d'affaires. Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, il est permis de dormir un peu chaque nuit, mais il n'est pas du tout permis d'oublier Dieu et son effroyable jugement. Et le sommeil de l'âme oublie. Maître, dit celui qui écrit, comment avoir toujours Dieu en pensée, cela semble impossible. C'est la plus grande misère que l'homme peut endurer, Barnabé. L'homme ici sur terre ne peut pas toujours avoir son Créateur Dieu en pensée, sauf ceux qui sont saints qui ont toujours Dieu en mémoire parce qu'ils ont la lumière de la grâce de Dieu en eux, aussi ils ne peuvent oublier Dieu. Dites-moi, avez-vous vu ceux qui taillent les pierres excavées, comment par une pratique constante ils ont appris à marteler, jusqu'à parler avec les autres tout en frappant le fer qui martèle la pierre, sans regarder le fer, ni se frapper les mains? Faites ainsi. Souhaitez être saint si vous souhaitez totalement dominer cette misère d'oublier. Il est certain que l'eau fléchit les pierres les plus dures d'une seule goutte martelant-la sur une longue période. Savez-vous pourquoi vous n'avez pas surmonté cette misère? Parce que vous n'avez pas perçu que c'est un péché. Je te dis homme, quand un prince te fait don, est-ce mal de fermer tes yeux et lui tourner le dos? Ceux qui oublient Dieu font ainsi le mal, car l'homme reçoit don et miséricorde de Dieu en tout temps. Dites-moi, notre Dieu vous accorde-t-il sa bienveillance en tout temps? Oui, aussi sûrement qu'il dessert sans cesse, en vous le souffle par lequel vous vivez. En vérité je vous dis, chaque fois que votre corps reçoit souffle, votre cœur doit dire « Dieu soit remercié ». Maître, dit Johan, ce que tu dis est vraiment vrai. Apprends-nous comment atteindre cet état béni. Je vous dis en vérité, personne ne peut atteindre cet état par les capacités humaines mais seulement par la miséricorde de notre Seigneur Dieu. Et il est certain que l'homme devra désirer le bien pour que Dieu le lui donne. Dites-moi, quand vous êtes à table, prendrez-vous ces viandes que vous regardez à peine? Sûrement non, ainsi aussi je vous dis, vous ne recevrez pas ce que vous ne souhaitez pas. Dieu est capable, si vous souhaitez la sainteté, de vous rendre saint en moins de temps qu'un clin d'œil. Mais pour que l'homme soit sensible aux donneurs et aux dons, notre Dieu veut que nous demandions et attendions. Avez-vous vu ceux qui s'entraînent à tirer sur une cible? Ils tirent en vain sûrement de nombreuses fois, néanmoins ils ne souhaitent pas tirer en vain et désirent toujours atteindre la cible. Faites ainsi si vous désirez avoir toujours notre Dieu en mémoire, et lamentez-vous si vous oubliez, car Dieu vous donnera la grâce d'atteindre tout comme que j'ai dit. Le jeûne et la veille de l'âme sont si unis l'un à l'autre que si la veille est rompue le jeûne l'est aussitôt aussi. C'est en péchant qu'un homme rompt la veille de l'âme et oublie Dieu. Le jeûne et la veille de l'âme sont indispensables pour nous ainsi qu'à tous les hommes, car il n'est permis à personne de pécher. Le jeûne et l'éveil du corps ne sont pas possibles en tout temps, ni à toute personne comme les malades, les personnes âgées, les femmes enceintes, les hommes mis en diète, les enfants, et autres de constitution faible. Comme chacun s'habille suivant sa propre taille, il en est ainsi pour le jeûne. Comme les habits d'un enfant ne conviennent pas à un homme de 30 ans, les veilles et les jeûnes de l'un ne conviennent pas à l'autre. Prenez garde à Satan, qui fera son possible pour que vous dormiez après une nuit de veille, alors que vous avez ordre de faire la prière et d'écouter la parole de Dieu. Vous plairait-il qu'un de vos amis mange la viande et vous donne les os? Dites-moi. Non, maître, répondit Céphas, celui-là ne mérite pas d'être appelé ami mais un moqueur. Tu as dit la vérité, Céphas, dit Jésus dans un soupir. En vérité, toute personne qui veille du corps plus que nécessaire, dort ou a la tête lourde de sommeil lorsqu'il devrait prier ou écouter la parole de Dieu. Ce misérable se moque de Dieu son Créateur et devient coupable de ce péché. Il est aussi un voleur qui vole le temps devant être donné à Dieu et le dépense autant qu'il lui plaît. Un homme donnait à boire à ses ennemis le meilleur vin du tonneau tant que le vin était à son meilleur, et il donnait à boire à son seigneur le vin arrivé au sédiment. Dès que le maître saura, que pensez-vous qu'il fasse au serviteur une fois devant lui? Il le frappera par juste indignation et le tuera sûrement selon les lois du monde. Que fera Dieu à celui qui dépense le meilleur de son temps à ses affaires et le pire à prier et étudier la loi? Malheur au monde dont le cœur est chargé de cela et du plus grand péché. En vous disant que le rire doit se changer en pleurs, les fêtes en jeûne et dormir en veille, ces trois mots résument ce que vous avez entendu. Qu'ici sur terre vous devez toujours pleurer, et cela doit venir du cœur, car Dieu notre Créateur est offensé. Que vous devez veiller pour ne pas pécher, et jeûner pour avoir la maîtrise sur votre perception. Que les jeûnes du corps et les pleurs soient pris suivant la constitution de chacun. Puis Jésus dit. Vous avez besoin de chercher des fruits des champs avec lesquels soutenir notre vie, car il y a maintenant 8 jours que nous n'avons pas mangé de pain. Je prierai notre Dieu en vous attendant avec Barnabé. Tous les apôtres et les disciples partirent par 4 et 6 et prirent leur chemin par la parole de Jésus. Celui qui écrit resta avec Jésus. Barnabé, dit Jésus en larmes, tu révéleras les grands secrets que je te révèle quand j'aurai quitté ce monde. Maître, dit en larmes celui qui écrit, laisse-moi pleurer ainsi que les autres hommes, car nous sommes des pécheurs, mais toi, un saint prophète de Dieu, il ne convient pas que tu pleures autant. Crois-moi Barnabé, je ne pleure pas autant que je devrais. Si les hommes ne m'avaient appelé Dieu, j'aurais ici vu Dieu comme il sera vu au paradis, et aurait été assuré de ne craindre le jour du jugement. Mais Dieu sait que je suis innocent. Jamais je n'ai travaillé pour être tenu plus qu'un pauvre esclave, non. Apprends aussi Barnabé que je dois subir une grande persécution et que je serai vendu par un de mes disciples pour 30 pièces d'argent, et celui qui me vendra mourra d'une mauvaise mort. C'est par là que Dieu me prendra de la terre. Maître, répondit celui qui écrit, dis-moi qui est ce misérable que je l'étouffe. Garde ta paix, car Dieu le veut ainsi et il ne peut faire autrement. Mais vois ma mère qui sera affligée de cette circonstance, et dis-lui la vérité afin qu'elle soit réconfortée. Plaise à Dieu, Maître, je ferai tout cela, répondit celui qui écrit. Les disciples revinrent en apportant des pommes de pain et une grande quantité de dattes qu'ils avaient trouvées par la volonté de Dieu, qu'ils mangèrent avec Jésus après la prière de la mi-journée. Voyant la tristesse de celui qui écrit, les apôtres et les disciples craignirent que Jésus doive vite quitter le monde, et Jésus les rassura. N'ayez crainte, mon heure n'est pas encore venue de vous quitter. Je resterai encore avec vous un peu de temps pour vous enseigner, pour que vous partiez annoncer la pénitence à travers tout Israël comme je vous ai dit et que Dieu fasse miséricorde du péché d'Israël. Que chacun prenne garde à l'oisiveté, et plus encore celui qui fait pénitence. Tout arbre ne portant pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Un homme avait une vigne, avec un jardin au milieu, où était un beau figuier, sur lequel le propriétaire n'y trouvait pas de fruits depuis 3 ans qu'il venait. Mais voyant là les autres arbres porter fruits, il dit à son vigneron : coupe cet arbre qui occupe mal le sol. Pas ainsi, mon seigneur, car c'est un bel arbre, répondit le vigneron. Reste calme. Je n'ai pas d'égard aux beautés inutiles, dit le propriétaire. Sachant le palmier et le balsamier plus nobles que le figuier, j'avais planté dans la cour de ma maison un plant de palmier et un de balsamier et les ai entourés de murailles de grande valeur. Parce que ceux-ci ne portèrent pas fruits mais que des feuilles, qui s'accumulèrent et pourrissaient la terre devant la maison, je les ai fait déraciner tous les deux. Comment pardonnerai-je à un figuier éloigné de la maison, qui encombre ma vigne et mon jardin, où tous les autres arbres portent fruits? Je ne le laisserai sûrement plus. Seigneur, répondit le vigneron, attends encore un an, la terre est trop fertile. Je taillerai les branches du figuier et retirerai la fertilité du sol en mettant un sol pauvre avec des pierres, qu'ainsi il porte fruit. Va faire ainsi maintenant, j'attendrai que le figuier porte fruit, dit le propriétaire. Comprenez-vous cette parabole ? Non, Seigneur, explique-nous, dirent les disciples. Je vous dis en vérité, Dieu est le propriétaire et le vigneron est sa loi. Dieu avait le palmier et le balsamier au paradis. Le palmier est Satan, et le balsamier le premier homme. Il les a mis dehors parce qu'ils ne portaient aucun bon fruit du travail et ils avaient prononcé des paroles infidèles qui condamnèrent aussi de nombreux anges et de nombreux hommes. Maintenant, Dieu a l'homme dans le monde, au milieu de ses créatures qui servent tous Dieu en accord avec son décret, et l'homme qui ne porte aucun fruit. Dieu aurait pu le couper pour le mettre au Shéol, vu qu'il ne pardonna ni l'ange, ni le premier homme, mais punit l'ange éternellement et l'homme pour un temps. Vu que notre Dieu attend que l'homme se repente, la loi de Dieu dit à celui qui a trop de bien dans cette vie de s'en défaire pour travailler au bien. En vérité je vous dis, notre Dieu a condamné l'homme au travail, comme Job, l'ami de Dieu et prophète, dit. L'oiseau naît pour voler, le poisson pour nager, l'homme pour travailler. David, le prophète de Dieu, dit : nous serons bénis de manger le travail de nos mains, le bien sera avec nous. Que chacun travaille selon sa qualité. Et si David et son fils Shlomo travaillaient de leurs mains, que devraient alors faire les pécheurs ? Dites-moi. Maître, dit Jean, travailler est une chose qui convient aux pauvres de faire. Car ils ne peuvent faire autrement. Ne sais-tu pas que pour faire le bien, ce ne doit pas être une contrainte? Le soleil et les autres planètes n'auront pas de mérite vu qu'ils sont contraints par le décret de Dieu et ne peuvent faire autrement. Quand Dieu ordonne de travailler, il ne dit pas aux pauvres de vivre de la sueur de son visage, et Job ne dit pas que l'oiseau naît pour voler et un pauvre pour travailler. Mais Dieu dit à l'homme, tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage. Et Job, l'homme naît pour travailler. Tout ce qui n'est pas humain est dégagé de cet ordre. C'est à cause de la grande multitude de gens oisifs que les choses sont coûteuses, et s'ils se mettaient à travailler, certains à cultiver la terre, d'autres à pêcher les eaux, il y aurait de l'abondance dans le monde. Il faudra rendre compte de la pénurie au jour effrayant du jugement. Que l'homme me dise ce qu'il a apporté dans le monde pour vivre dans l'oisiveté, car il est né sûrement nu et aussi incapable de rien. Ainsi, il est le répartiteur de tout ce qu'il trouve, non pas le propriétaire. Il devra en rendre compte au jour effrayant du jugement. L'abominable convoitise, qui rend l'homme comme les bêtes brutes, doit grandement être maîtrisée. Si l'ennemi est de la même maison, il n'est pas possible d'aller à un endroit sans qu'il vienne aussi. Combien nombreux ont péri de convoitise. En raison de la convoitise, le déluge survint au point que le monde périt sans miséricorde de Dieu, et seuls Noé et 83 humains furent épargnés. En raison de la convoitise, Dieu ensevelit 3 mauvaises villes, et seul Lot et ses 2 enfants s'en échappèrent unt. En raison de la convoitise, la tribu de Benjamin fut presque exterminée. En vérité, l'espace de 5 jours ne suffirait pas pour vous dire combien ont péri en raison de la convoitise. Maître, dit Jacob, que veut dire convoitise? La convoitise est un désir débridé d'amour que la raison ne maîtrise pas, qui outrepasse les limites de l'affection humaine et son intellect, au point que sans savoir l'homme aime ce qu'il doit détester. Quand un homme aime une chose, comme son propriétaire, non pas parce que Dieu lui a confié cela, il devient fornicateur parce que l'âme s'est unie à la créature alors qu'elle devait rester unie à son créateur Dieu. Dieu le déplore par le prophète Ésaïe, disant « Tu as commis fornication avec de nombreux amants, néanmoins, reviens à moi et je te recevrai. » Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, s'il n'y avait pas de convoitise à l'intérieur du cœur de l'homme, il ne tomberait pas dans l'extérieur, et l'arbre meurt rapidement quand la racine est enlevée. Qu'un homme se contente de la femme que son Créateur lui a confiée et qu'il oublie toute autre femme. Comment oublier les femmes, dit Adrier, si l'homme vit en ville où il y en a un grand nombre? Adrier, il est certain que pour celui qui vit en ville cela lui fera du mal, vu que la ville est une éponge qui avale toutes les fautes. Il est impératif de vivre en ville comme un soldat ayant des ennemis autour de la forteresse, de se défendre contre toute attaque et anticiper la trahison de la part des habitants. Comme je vous dis, il devra se rendre maître de sa perception qui aurait le désir des impuretés et repousser tout entichement au péché. Et comment pourra-t-il se défendre sans mettre une bride à l'œil qui est à l'origine du péché charnel? Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, celui qui n'a pas les yeux au corps est assuré de ne recevoir le châtiment qu'au 3e degré, alors que celui qui en a les yeux le reçoit au 7e degré. Au temps du prophète Élie, Élie vit un homme aveugle de bonne vie, qui pleurait et lui demanda. Pourquoi pleures-tu frère? Je pleure de ne pouvoir voir le prophète Élie le saint de Dieu, répondit l'aveugle. Arrête de pleurer homme, car tu pèches à pleurer, réprimanda Élie. Est-ce ce péché de voir un saint prophète de Dieu, qui relève les morts et fait venir le feu du ciel? Dit l'aveugle. Tu ne dis pas la vérité, dit Élie, car Élie ne peut rien faire de ce que tu dis, car c'est un homme comme toi, et tous les hommes du monde ne peuvent créer une mouche. Tu dis cela parce que tu détestes Élie, qui a dû te réprimander pour quelques-uns de tes péchés, dit l'aveugle. Dieu veuille que tu dises vrai, frère. Que je déteste Élie et aime Dieu. Et plus je détesterai Élie, plus j'aimerai Dieu, répondit Élie. Comme Dieu vit, tu es outrageux, dit l'aveugle saisi de grande colère. Comment peut-on aimer Dieu si on déteste les profanes de Dieu? Va-t'en tout de suite, je ne t'écouterai plus. Frère, dit Elia, tu peux maintenant voir ta pensée, comme il est mauvais de regarder au corps. Car tu désires la vue pour voir Elia, mais tu le détestes par ton âme. Va-t'en, dit l'aveugle, tu es un démon qui me ferait pécher contre le Saint de Dieu. Tu dis la vérité, frère, car la chair que tu désires voir te sépare de Dieu, dit Elia en soupirant avec larmes. Je ne veux pas te voir. Si j'avais mes yeux, je les fermerais pour ne pas te voir, dit l'aveugle. Sache frère que je suis Elia. Tu ne dis pas vrai, dit l'aveugle. Frère, c'est vraiment Elia le prophète de Dieu, dirent les disciples d'Elia. Si les prophètes, qu'ils me disent de quelle semence je suis et comment je suis devenu aveugle. Tu es de la tribu de Lévi. En entrant dans le temple de Dieu, étant près du sanctuaire, tu as regardé une femme avec obscénité et notre Dieu t'a retiré la vue. Saint prophète de Dieu, j'ai péché en parlant avec toi, pardonne-moi, dit l'aveugle en pleurant, je n'aurais pas péché si je t'avais vu. Puisse notre Dieu te pardonner, frère. Quant à moi, répondit Elia en larmes, je sais que tu m'as dit vrai. Plus je me déteste, plus j'aime Dieu. Car si tu pouvais me voir, tu aurais encore en toi ce désir qui offense Dieu, car Dieu est ton créateur, non Elia. En ce qui te concerne jusqu'à maintenant, je suis le démon puisque je te détourne de ton créateur. Pleure frère de ne pas avoir cette lumière qui te ferait voir le vrai du faux, car si tu l'avais eu tu n'aurais pas rejeté mon enseignement. Je te dis, nombreux viennent me voir et nombreux viennent de loin pour me voir mais ils rejettent mes paroles. Il aurait mieux valu pour eux, pour leur salut, de ne pas avoir les yeux. Car tous ceux qui ne cherchent pas à trouver plaisir en Dieu mais trouvent plaisir en la créature, qui que ce soit, se détourne de Dieu en se faisant une idole dans leur cœur. Avez-vous compris tout ce qu'a dit Elia? Dit Jésus dans un soupir. Vraiment nous avons compris, répondirent les disciples. Nous sommes choqués de savoir que très peu ici sur terre ne sont pas idolâtres. Vous dites la vérité. Israël voulait établir l'idolâtrie qui est dans son cœur en me tenant pour un dieu. Beaucoup de maintenant ont rejeté mon enseignement en disant que je pourrais me faire seigneur de tout Juda si je déclarais être dieu, ou que je suis insensé de vouloir vivre pauvrement dans les lieux déserts, non avec les princes à la vie délicate. Malheureux, qui estime mieux la lumière propre aux fourmis et aux mouches, et rejette la lumière propre aux anges et aux prophètes, et saints amis de Dieu. Je te dis Adrié, l'œil doit être maîtrisé afin de ne pas tomber dans la convoitise. Le prophète Jérémie a dit en pleurant. Mon œil est comme un voleur qui vole mon âme. David pria notre Seigneur Dieu avec grande ardeur de détourner ses yeux pour ne pas regarder les choses vaines. En vérité, tout ce qui a une fin est vain. Dites-moi, si on avait deux pièces pour acheter du pain, les gaspillerait-on pour acheter de la fumée, quand la fumée blesse les yeux et n'apporte rien pour se nourrir? Que l'homme cherche à connaître son Créateur Dieu, comment satisfaire sa volonté par sa pensée, la vue interne, et par ses yeux, la vue externe, sans faire de la créature une fin qui lui ferait perdre le Créateur. En vérité, un homme pêche chaque fois qu'il regarde une chose que Dieu a faite pour l'homme, au point d'en oublier Dieu. Si un de tes amis te donne une chose à garder en mémoire de lui, ne l'offenserais-tu pas si tu la vends et oublies ton ami? L'homme fait ainsi quand il regarde la créature, sans garder le Créateur en mémoire, qu'il a créé par amour pour l'homme. Il pèche par ingratitude envers son Créateur Dieu. Celui qui regarde la femme et oublie Dieu qu'il a créé pour le bien de l'homme, ou celui qui l'aimera et la désirera au point que sa convoitise outrepasse et qu'il admire tout ce qui est similaire à la chose aimée, vient alors ce péché honteux d'avoir en mémoire. L'homme qui met un frein à ses yeux maîtrisera sa perception, qui ne pourra désirer ce qui n'est pas présenté, et soumettre ainsi la chair à l'esprit. Tout comme le bateau ne peut avancer sans vent, sans la perception la chair ne peut pécher. Le pénitent devra se tourner vers la prière au lieu de se raconter des histoires et la raison se montrera d'elle-même. Car l'homme pèche à chaque parole inutile et notre Dieu efface le péché grâce à la prière. La prière est l'avocat de l'âme, la prière est la médecine de l'âme, la prière est la défense du cœur, la prière est l'arme de la foi, la prière est le frein de la perception, la prière est le sel qui ne laisse pas la chair pourrir par le péché. Je vous dis, les prières sont les mains de notre vie. La prière de l'homme ici sur terre le défendra au jour du jugement, car elle soigne son âme du péché et garde son cœur pour qu'il ne soit pas touché de mauvais désirs. Elle réprime sa perception et sa chair par la loi de Dieu qui offense Satan. Elle le conduit dans la justice, pour qu'il reçoive ce qu'il demande à Dieu. Comme Dieu vit, en présence duquel nous sommes, il est aussi improbable qu'un homme sans prière fasse le bien qu'un muet plaide sa cause à un aveugle. En vérité, qui n'a pas de main ne peut recevoir. Si l'homme pouvait convertir le fumier en or et la boue en sucre, que ferait-il? Comme Jésus était silencieux, les disciples dirent : personne ne ferait rien d'autre que de l'or et du sucre. Pourquoi l'homme ne change-t-il pas en prière les bavardages insensés? Est-ce que le temps que Dieu lui a imparti est pour offenser Dieu peut-être? Quel prince donnerait à son subordonné une ville pour qu'il lui fasse la guerre? Comme Dieu vit, si l'homme savait la manière dont l'âme se déforme avec les vains bavardages, il se mordrait la langue plutôt que bavarder. Misérable monde où les hommes d'aujourd'hui ne se rassemblent plus pour prier, ou dans les porches du temple et dans le temple même, les vains bavardages et choses pires dont je ne peux parler sans honte sont des offrandes à Satan. Le fruit du vain bavardage rend faible l'intellect, de sorte qu'il n'est plus habilité à recevoir les vérités, ainsi comme un cheval habitué à porter 1 kilo de coton ne peut porter 100 kilos de pierre. Le pire est l'homme qui plaisante pour passer son temps. Quand il se préparera à prier, Satan mettra en mémoire ses plaisanteries au moment où il doit pleurer de ses péchés afin de susciter la miséricorde de Dieu et gagner le pardon de ses péchés. En riant, il provoquera la colère de Dieu, qui le châtiera et le mettra dehors. Malheur à ceux qui plaisantent et bavardent en vain. Et si notre Dieu a en abomination ceux qui plaisantent et bavardent en vain, qu'en sera-t-il de ceux qui murmurent et accusent faussement leur prochain? Et à l'extrême, de ceux qui négocient le péché comme une marchandise indispensable? Quel monde impur! Je ne peux concevoir la gravité dont Dieu va vous châtier. À celui qui fait pénitence, à lui je dis qu'il doit peser ses mots à prix d'or. Sûrement personne n'achètera des mots à prix d'or, dirent ses disciples. Comment faire pénitence s'il convoite? Vous avez le cœur si lourd que je n'arrive pas à l'élever. Et il faut que je vous donne l'explication de chaque parole. Remerciez Dieu qui vous a donné la grâce de connaître les mystères de Dieu. Je ne dis pas que le pénitent doit vendre ses mots. Je dis que lorsqu'il parle, qu'il pense vraiment être en train de jeter l'or. En faisant ainsi, qu'il ne dise que le nécessaire, comme il dépense l'or pour le nécessaire, et qu'il ne dise rien qui blesserait son âme, comme il ne dépense pas l'or pour ce qui blesserait son corps. Quand le gouverneur interroge un prisonnier aux arrêts, tandis que le secrétaire écrit, « Comment cet homme va-t-il parler ? Dites-moi. » Droit au but, et avec la crainte pour ne pas jeter de soupçons sur lui, dirent les disciples, et avec prudence pour ne pas dire une chose qui déplaise au gouverneur, mais chercher quelque chose qui le rendra libre. C'est ce que le pénitent doit faire pour ne pas perdre son âme. Et pour cela, Dieu a donné deux anges, comme secrétaires à tout homme, l'un pour écrire le bien que fait l'homme, et l'autre le mal. Si un homme veut recevoir miséricorde, qu'il estime ses maux plus que l'or.